Bonsoir, bonjour et bon après-midi à tous. Bienvenue une nouvelle fois dans les Staminaires, votre rendez-vous société, techno et culture pop. Je m'appelle Matt. Et je remercie une nouvelle fois mes piliers de bar, évidemment, dans cette Staminaire. Mes piliers de bar que sont Mister Yanda. Salut Yanda. Et salut, salut tout le monde, bonsoir. Qu'est-ce que je te sers, mon petit Yanda? Comme d'hab, une blonde IPA. On se met bien, on s'enjaille, on est posé. On dit IPA ou on dit IPA, toi, qui est un peu les codes de... On dit comme on veut. Tant que ça se boit, on dit, voilà. Ok, d'accord. Bonsoir, monsieur Valentin. V pour Valentin. Salut Val. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que je te sers? Écoute, une petite Lagunitas IPA, également une India Pale Ale. Et ça va le faire très bien, mon gars. D'accord. Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir des traces de mousse dans ta moustache naissante? Il faut que j'expérimente, hein. J'ai déjà des restes du repas d'hier, donc c'est bon, ça va le faire. Je vous promets ce soir d'aller au moins une fois aux toilettes au cours de cet enregistrement. Voilà, c'est une promesse que je fais. Et bien sûr, l'homme qui ricane déjà, mais qui n'aime rien, monsieur Chris 2. Salut Chris 2. Salut Matt. On expliquera cette blague de Chris 2 un jour. Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que je te sers? Écoute, moi je vais prendre un petit calice de sang de vierge pour garder mon éternelle jeunesse. Tu as ça en magasin? Je dois pouvoir te trouver ça. Ouais. Le calice, je l'ai. Après, c'est trouver une femme vierge à cette époque, je vais dire, c'est pas la panacée. Voilà. Bah, dans ta cave, tout le monde. Dans ta cave, ça devrait le faire. Ouais, mais il les veut vivantes, je pense. Ah. Bon, bah ça commence très bien. On part sur de bonnes bases. Messieurs, c'est la 7e fois qu'on se retrouve pour ce podcast. Déjà un podcast qui n'a toujours pas de page Wikipédia. Dis donc, qu'est-ce que font les fans? Où êtes-vous? Je comprends pas. On est pourtant des influenceurs assez influents, puisqu'on peut noter qu'il y a 15 jours, on parlait de notre amour pour les collections de bandes dessinées unies et que des groupes de fans de comics sur Facebook expliquent depuis que les collections unies, on s'en fout et que c'est moche et que les dos noirs, c'est chiant et tout ça. Oh, bien comme influence. Une autre fois, on parlait des algorithmes d'Internet et j'ai bouffé avec une copine qui a ressorti tout le speech de Yanda sur les algorithmes d'Internet et pourquoi est-ce que ça te propose des trucs et comment ça marche. Allez écouter l'épisode du 10 avril pour tout comprendre. Voilà, vous saurez tout. Et puis, il y a quelques semaines, on vous parlait de la Snyder Cut, la version ultime de Justice League. Mais oui! Et c'est désormais une réalité, on va avoir droit à une nouvelle version du film. Alors j'invoque le plus grand fan de Batman, de DC, Mister Yanda. Ça sort au cinéma, Justice League Snyder Cut, c'est quoi? Non, ça sort pas au cinéma. Donc ça a été annoncé, alors si on se cale sur la date à laquelle sera diffusée cette émission, il y a une dizaine de jours à peu près, suite en fait à une watch party organisée par Zack Snyder. Là, on se parle en direct du 21 mai 2020 et il est 21h09. C'est ça. On est donc au lendemain de l'annonce officielle, puisque donc du coup, effectivement, hier, Zack Snyder avait organisé donc une watch party de Man of Steel, c'est-à-dire qu'il avait en fait pris à l'avance des questions de fans liées au film et il organisait une diffusion, espèce de pseudo live, en regardant le film et en répondant aux questions des fans en même temps. Et à la fin de cette watch party, à la surprise générale, il a annoncé de façon tout à fait officielle, et ça a été ensuite confirmé par les différents studios et networks impliqué la sortie pour 2021 de la Justice League de la Zack Snyder's Justice League, qui est donc la version tant attendue Snyder Cut teasée depuis 3 ans, qui sera donc et qui verra donc bien le jour, mais non pas dans les cinémas, qui sera diffusée via la plateforme de streaming dont la sortie est imminente aux États-Unis, HBO Max. Et on table donc sur une version qui fera à peu près dans les 4 heures, qui sera très certainement pour se caler un petit peu sur les formats streaming découpés en 6 épisodes, et pour laquelle il a bénéficié d'une rallonge de budget de 20 à 30 millions de façon à sortir une version complètement finie à 100%, puisque depuis 3 ans qu'il tease cette version Snyder Cut, il a toujours été établi que la version qu'il avait en main de son film avec les rushs était une version de montée avec des... Enfin, si tant est qu'elle était vraiment montée, mais en tout cas c'est une version composée de rushs et donc non terminée, sans effets spéciaux, etc. etc. Et ben là, l'occasion lui est donnée de façon officielle de pouvoir sortir et diffuser au grand public cette version, la Zack Snyder Justice League, donc le film Justice League tel que Zack Snyder l'avait prévu au début. Du coup, juste question technique, est-ce que ça veut dire qu'il y a des retournages ou alors le budget est juste là pour réaliser des effets spéciaux et terminer les images qui étaient déjà tournées? Alors on ne sait pas vraiment, parce que bah, y a un, bah, alors, bien évidemment c'est le retour à pleine balle des rumeurs et des ragots et, des, et de tout le, shit, enfin, le shitstorm, tout le bullshit qui va avec et toutes les bêtises qui vont avec. A priori il n'y aura pas de retournage parce que bah, c'est compliqué, notamment je pense à des acteurs comme Ben Affleck qui ont définitivement raccroché le costume. Mais par contre il est question que peut-être on ait des retournages de dialogue. Donc c'est-à-dire faire revenir les acteurs là pour le coup, mais juste pour des dialogues en fait. Alors pourquoi, comment, sur de la voix off, ça je sais pas. Mais en tout cas a priori les, le budget alloué servirait principalement à terminer toute la partie post-prod. Et FX, et éventuellement quelques, quelques dialogues et tournages audio supplémentaires, mais il n'y aurait pas, a priori, encore une fois, je mets des guillemets, de retournage, de reshoot, comme on dit dans le jargon, vidéo en tant que telle. On est content du coup ? J'ai appris ça, j'ai appris cette nouvelle hier soir vers 23h30, un truc comme ça. Depuis, bah, je n'ai pas dormi, hein, je suis comme un petit fou, je n'en peux plus, alors ce ne sera pas... je mets une petite correction, on va dire, un petit astérisque sur ce qu'a dit Yanda, puisque en fait ce sera la Snyder Cut, oui, puisque c'est lui qui va remonter le film et tout, pas de soucis. Par contre, il n'avait pas prévu que ce soit une série de 6 épisodes pour une durée totale de 4 heures. Donc ce sera pas, si, pour les plus pinailleurs, et il y en a, et c'est, je trouve ça un peu triste, mais pour les plus pinailleurs, ce ne sera pas la Snyder Cut que tout le monde réclamait depuis le départ. Après, c'est perso, pas la Snyder Cut de 2017. Exactement. Après, moi, ça m'est totalement égal puisqu'on aura une Snyder Cut. Donc, avec tout ce qui s'est passé depuis, sachant que Snyder sait voit dans quelle direction part l'univers DC au cinéma, il va, j'imagine, monter aussi le film en fonction. Donc, ce sera au final assez actuel et il a moyen de conclure son histoire, alors ce qui n'était pas forcément le cas à la base en fait, ça devait être le premier film Justice League devait amener à d'autres films Justice League, etc. Donc là il a moyen en fait de conclure son histoire d'une belle façon. Moi je suis complètement hypé de ouf, je n'en peux plus. Par contre, elle est annoncée donc seulement sur HBO Max qui donc finance cette Snyder Cut. HBO Max qui est un service une plateforme de streaming qui est prévu qu'aux États-Unis. Donc en France, bah, ça va être un peu plus coton de l'avoir. Donc je pense qu'elle va être piratée, j'imagine, pour après, la plupart. Ça peut finir sur des réseaux alors, type OCS ou Amazon Prime. Peut-être, voilà, on ne sait pas les détails, mais on ne l'aura peut-être même pas en 2021, on l'aura peut-être en 2022, nous, en tout cas. Enfin, ça, on ne sait pas. Mais en France, HBO ouais, marche avec Orange. Hein. Les séries HBO sont sur OCS. Donc après, est-ce que ça suivra cette route-là ou pas ? Voilà, on verra. En tout cas, quoi qu'il arrive, est-ce que on peut, moi qui suis collectionneur notamment de steelbook, parce que je trouve ça très joli, est-ce qu'on peut espérer avoir un steelbook de cette version-là ? C'est possible. C'est quoi un steelbook, Val ? Alors, excusez-moi. Un steelbook, c'est un Blu-ray emballé dans une belle boîte en métal. Et non moi, pas je une que c'était un boîte livre en acier. voilà, en traduction fait, mot à mot. C'est une boîte métal pour tes Blu-ray favoris. Ouais. Alors, attends. Ouais. Parce que moi, les steelbooks, quand j'en ai vu, ils sont vides. C'est-à-dire qu'il faut acheter ton DVD dans ta boîte en plastoc. Et t'as la boîte jolie en métal à côté. Bah, donc t'étais du genre à rendre les boîtes de jeux de PlayStation sans le jeu, toi. Ça, c'est sûr. Je suis désolé que tu te fasses arnaquer, du coup, parce que les steelbooks, notamment pour les films de super-héros, pour DC et tout ça, t'as souvent, en fait, pour les gros blockbusters, une annonce assez rapide, juste après la sortie du film, en mode, vous pouvez précommander dès maintenant sur Fnac, Amazon, machin, la version collector du film avec sa boîte métal. Ah, il en faut un troisième ouais. Il en faut un troisième, sinon c'est du placement de produit. Ouais, du troisième coup, je sais pas... Leclerc culturel. Allez, go, ouais, c'est ça. mais donc, bref, je finis juste là-dessus et après, j'ai hâte d'avoir ton avis, Yanda. Mais Warner, en fait, c'est un éditeur assez prolifique en termes de steelbook. Et donc, il n'est pas impossible du tout qu'il y ait un steelbook de cette Snyder Cut-là dans les mois qui suivent la sortie de sa Justice League sur HBO Max. Ouais, et on espère Noël, ça fait bien. Ouais, voilà. Ouais, ce serait pas mal. Mm-hmm. Ce serait pas mal. Donc voilà, je croise les doigts parce que j'aimerais bien l'avoir dans ma Blu-ray Tech, hein, du coup, voilà. Alors, du coup, tu mettras une note sur ton cahier. Ah ouais. Je mettrai des petites paillettes sur le nom de Justice League. Petite paillette jolie. L'anecdote du cahier est expliquée dans l'épisode précédent. Absolument. Eh oui, teasing, dans les épisodes précédents. De l'estaminerde. Du coup, Yanda, bien ou pas ? Je suis partagé. Putain. Non, après, alors, il y a deux aspects. En tant que, d'un point de vue vraiment centré perso fan, je suis hype de fou. Je suis hyper content parce que déjà j'aime beaucoup le travail de Zack Snyder en général et que je fais partie de ceux qui ont été, bien que je le comprenne, extrêmement déçus de son départ de Justice League et attristé de tout le travail de charcutage qui a été fait par les studios Warner sur sa vision du DCU au travers de son triptyque, on va dire, Man of Steel, BVS et Justice League. Donc tout ça, voilà, ça fait que je suis très content de pouvoir voir, même si effectivement c'est pas le rush de 2017, mais un truc qu'il aura eu le temps de retravailler un petit peu, etc. Je suis très content de voir ça, surtout si il en profite pour effectivement, sachant qu'il ne peut pas ouvrir, enfin ça n'a aucun intérêt d'ouvrir sur une suite qui de toute façon elle n'arrivera jamais. Donc s'il en profite pour vraiment conclure le truc et faire voilà une œuvre en triptyque qui ouvre et qui se conclut, ça serait génial. Donc ça, et je suis très curieux de voir le produit tel qu'il l'avait en tout cas envisagé. Donc ça, pour ça, c'est très cool. Par contre, attends, tu dis deux trucs contradictoires. Tu dis on voudrait voir l'œuvre telle qu'il l'avait envisagée, mais il faut aussi qu'il la retouche pour fermer son histoire. Ben, du coup, c'est ça. Oui, alors ça marche pas quoi. C'est tel qu'il l'avait envisagé, mais en bouclant la boucle, donc en retouchant la fin de façon à ce que ça boucle. Mais on restera, puisqu'il y aura pas, il n'y aurait pas de reshoot, on se câble quand même sur les rushs qu'il avait. Il a déclaré à plusieurs reprises que ce qui est sorti dans le film Justice League ne correspondait en termes de rush qu'à un quart de ce qu'il avait. Et on le sait par tout un tas de trucs qui ont fuité, etc., que voilà, il a d'autres choses. Donc voilà, j'ai envie de voir ça. Après, j'ai conscience que ça ne correspondra pas effectivement à 100% à la version de 4 heures qu'il a en rush, soi-disant, actuellement, s'il a vraiment monté entièrement en rush. Mais ça, à la rigueur, c'est pas grave, parce que ça sera de toute façon plus représentatif de ce qu'il avait en tête que le film Justice League qu'on a eu. Et pour ça, c'est cool. Par contre, sur un plan un petit peu plus large, ça soulève pas mal de questions. Ça soulève pas mal de questions sur, au final, un petit peu l'opportunisme de Warner, qui aura quand même attendu 3 ans pour offrir la possibilité à Zack Snyder, en l'occurrence, de sortir ce truc-là. Alors oui, ça fait plaisir à la fanbase, c'est pour faire plaisir à la fanbase, etc., etc. Je trouve que l'argument est un peu facile de se placer en gentil porte-drapeau en disant on soutient les créateurs, donc on vous donne cette truc-là. Bah, si c'est ça, comme ça a été dit dans un très bon édito d'Arnaud sur ComicsBlog, dont je rejoins complètement le point de vue, si c'est ça, si tu te places maintenant, 3 ans après, en porte-étendard de la créativité des auteurs, scénaristes et réalisateurs, pourquoi au moment de la sortie du film, t'es venu saccager leur travail et leur vision, ce qui a été le cas pour Zack Snyder comme pour d'autres. Et là où c'est un petit peu dérangeant, c'est que si tu le fais pour Zack Snyder, quid des autres? Est-ce que ça veut dire que derrière, on a possibilité de venir comme ça, en faisant le forcing, réclamer des versions Snyder Cut, Editor Cut, Director's Cut, Ultimate de Green Lantern, de Green Lantern ou autre, tu vois, il y a plein, il y a eu le cas notamment, alors avec un film que je n'ai pas vu, mais a priori les 4 Fantastiques de Josh Trank, qui a été aussi charcuté par le studio, lui il n'aura pas sa Josh Cut, donc c'est voilà. Et c'est aussi quand même, malgré tout, même s'il y a tout un tas, une partie de la fanbase de Zack Snyder qui a fait porter le message de même nous en déconnant on disait hashtag release the Snyder Cut, il y a aussi toute une mouvance toute une partie en tout cas de ce mouvement-là qui est partie dans des trucs beaucoup plus sombres avec du harcèlement, des trucs hyper violents et qui du coup est venu entacher un petit peu le but premier de ce message qui était vraiment d'avoir la vision de l'auteur. Donc il y a tout ça que en fin de compte le studio valide en offrant cette sortie officielle. Et ça, c'est vrai que pour le message que ça laisse transparaître, bah, c'est un petit peu moins cool. Donc sur le plan, moi, en tant que fan perso, je trouve ça génial. Je suis hype de fou et il me tarde grave de voir ça. Sur un plan un peu plus large, ça soulève quand même des questions morales et éthiques qui, effectivement, me dérangent un petit peu plus. Donc je suis partagé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en même temps, comme je parle de petites filles vierges qui sont enfermées dans des caves, moi l'éthique, tu vois, voilà. Mais non, mais blague à part, oui, t'as complètement raison et je te suis complètement là-dessus. Ça peut être la porte ouverte à plein de dérives pas cool. Mais putain, ça s'est vu pas plus tard que même pas une heure après l'annonce officielle et rediffusée par tous les réseaux, t'avais des mecs qui commençaient à dire non, mais nous on veut pas que ça sorte en 2021, on veut le rush de Zack Snyder de 2017, sinon c'est pas acceptable, c'est pas en l'état, et donc les mecs ont lancé des hashtags avec release de original Snyder Cut. Snyder Cut, quoi. Putain, Snyder quel Cut. Enfer. Les mecs sont fous, les mecs littéralement sont fous, quoi. Et donc voilà, c'est toute cette vague de pression. Alors oui, c'est très bien, parce que ça veut dire que, quelque part, le public et les fans ont une voix et possibilité de se faire entendre, mais de quelle façon ? Si on réussit à faire des gros blockbusters qui re-rentrent une vision d'auteur, tu vois, ça se trouve, enfin moi je sais pas comment ça se passe chez Warner, ça se trouve, c'est simplement le directeur du pôle ou la directrice du pôle... qui s'occupait des adaptations de DC, qui a changé, et le nouveau est pro Snyder Cut, et voilà quoi, il a envie de l'avoir, ça peut être... On est aussi sur une prise de risque minime, tu vois, on en parlait hier soir vite fait dans le chat, la prise de risque, mais elle est quand même minime, et elle est hyper calculée de la part de Warner, sur un plan purement financier. Ils sortent pas ça au cinéma, ça ne sortira pas au cinéma, ça sort sur une plateforme de streaming. Il n'y avait pas d'actu pour la licence en ce moment. Il n'y a plus d'actu pour la licence, donc ça permet de faire un petit peu parler. Le film, en tant que tel, même s'il ne l'a pas été à la hauteur qu'ils attendaient, il a été rentabilisé. Donc voilà, c'est plus ou moins tout bénef de procéder comme ça. Et voilà. Après, effectivement, je doute que ça fasse changer d'avis les gens. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas aimé Justice League, enfin qui ont vraiment détesté Justice League, ou voire les gens qui n'ont même pas aimé BVS, n'aimeront pas la Snyder Cut. Et voilà, c'est repartir encore dans ces éternels débats. Mais bon, ça, c'est propre à chaque sortie de film. Et voilà. Mais après, c'est cool. Ça reste cool. Sur un plan de fan, moi, je suis hyper content. Parce que c'est vrai que la façon dont le film Justice League est sorti et le produit final, ben, j'ai eu un peu l'impression de m'être fait escroquer, tu vois. On m'avait vendu du rêve depuis Man of Steel et avec BVS. Et puis, le point d'orgue, c'est JL, je fais ça daille, quoi. Donc avoir le point d'orgue beaucoup plus ressemblant sur ce qui était vraiment prévu au départ, bah je trouve ça cool. Mais voilà. Valentin tout à l'heure parlait d'éthique, donc effectivement l'éthique, faites attention, c'est la saison. Pour ce qui est de la... Il faut une pince pour les enlever, hein, sinon le rostre reste dans la plaie. Oui, c'est attention, hein, attention à la maladie de Lyme, tout ça. Pour ce qui est de la Snyder Cut, je suis pas forcément hyper hypé, mais très curieux de voir ce qu'il va proposer. Tout en prenant en compte effectivement que ça sera pas la version prévue à l'origine, que ça sera sûrement avec de la bricole, de la bricole à 20 millions de dollars, ça fait de la belle ça bricole va. Déjà, mais voilà, il y aura forcément des choses qui différeront de ce qu'il avait prévu. D'un autre côté, effectivement, ça pourrait lui permettre de boucler la boucle, puisqu'il sait qu'il aura sûrement pas d'autres opportunités de jouer avec ces personnages-là, donc ça sera intéressant de voir ce qu'il va en faire. Et puis voilà. Curieux de voir ce que ça peut donner, et puis voilà, et puis si c'est de toute façon, même si c'est mauvais, ça sera pas forcément pire que ce qu'on a eu au ciné. Et puis effectivement, après, les gens qui n'ont pas aimé n'aimeront pas. Il y en avait déjà hier qui donnaient leur petite review de la version Snyder Cut qu'ils avaient vue, bien entendu. Hein. Ils ont vu la version de 4 heures de Zack Snyder en 6 épisodes sur HBO Max. Donc ils ont déjà posté une petite review en tweet. Certains ont été un peu durs, hein, je trouve, avec le film. Voilà. Donc heureusement, hein, comme tout bon film qui se respecte, il y a des gens qui vous donnent leur avis avant de le voir. Et ça c'est important. On est très très rétro ce soir, parce que l'actu d'un film de 2021, c'est donc un film de 2017. Ouais. Ouais, donc on est avec le futur du passé, et en fait on va être rétro toute la soirée, vous allez voir, puisqu'on va vous parler un peu de rétro lol, hein, de rétro, d'humour rétro, on va faire un peu de rétro gaming, mais Valentin trépigne d'impatience pour vous parler de rétro série. Eh oui, parce que Valentin, tu as vu une toute nouvelle série qui s'appelle 24 heures chrono. C'est hyper novateur, c'est quelque chose de formidable, effectivement. 24 heures chrono avec Kiefer Sutherland dans le rôle de Jack Bauer, un agent de la cellule antiterroriste de Los Angeles. Et ça, c'est incroyable. Blague à part. On a fait notre première vraie transition comme dans une vraie émission. T'as vu ? Transition pas fluide, ouais. Transition. Ouais. j'étais assez content qu'on ne se rende pas compte de cette transition jusqu'à ce que tu en parles, du coup. du coup, 24 heures chrono, 24. Alors voilà, 24 ou 24 heures chrono. Qu'est-ce que 24. Laquelle as-tu vu ? Alors j'ai vu 24, c'est la même série, c'est juste que Canal+, puisque c'était Canal+ qui diffusait 24 à l'époque, a jugé logique et bon de rajouter heure chrono derrière 24. Bah oui, parce que 24. Pourquoi quoi, hein ? Bah après, ouais, c'est ça, oui, on ne sait pas. Oui, tu vois. 24 exactement. Francs. Exactement. On ne sait pas. Alors attends, parce qu'il y a une légende urbaine. Enfin, moi j'étais persuadé que 24 heures chrono, c'est la version de Canal en France. Ouais. Et 24, c'est la version qui a été diffusée sur TF1 et qui était un peu cut, qui a été censurée parce que certaines scènes de la saison 1 étaient trop violentes. Et donc, pour faire la différence entre les deux cuts, il y a 24 heures chrono qui est la non censurée et 24 qui est la version un peu TF1, quoi, pour le public de Joséphine Ange Gardien. Alors, je ne pourrais pas te fact-checker ça. C'est possible, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai découverte sur TF1 quand j'avais 14-15 ans, un truc comme ça. Donc il y a 14-15 ans, en fait. Il y a, exactement, c'est exactement ça. et oui. Et j'ai découvert, moi j'ai commencé à la saison 3, histoire de faire les choses dans l'ordre, mais c'est pas très grave. Pourquoi ? Parce que 24 raconte donc l'histoire de Jack Bauer, agent de la cellule antiterroriste de Los Angeles, comme je le disais un peu plus tôt, qui doit sauver l'Amérique de menaces terroristes en 24 heures. Donc c'est pour ça 24. En fait, ce sont des gens intelligents qui se sont dit, tiens, une série dure en moyenne 24 épisodes d'une heure en comptant les pages publicitaires. Donc pourquoi, vu qu'il y a 24 heures dans une journée, pourquoi on ne ferait pas une série en temps réel avec un épisode égale une heure ? Et t'as vu, mais alors c'est tout bête, mais oui, voilà, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Et ces gens-là se sont dit, on va pas suivre le quotidien de Madame Michu qui va chercher du pain, on va suivre, il faut que ce soit un peu plus mouvementé, donc pourquoi pas une agence fictive du gouvernement. Alors, ça se voit que tu connais pas Madame Michu, parce que je peux dire que ces journées sont bien plus mouvementées qu'il ne le croit. Hein. C'est fort probable. Alors là, ce jugement de valeur, vraiment, ça me... J'avoue. Madame Michu, si vous nous écoutez, on est désolé. Mépris de classe de on ouf. On s'excuse. Ouais. comment j'allais, mais je ne sais plus, voilà. Alors moi j'ai une question, c'est pourquoi est-ce que tu nous fais le pitch de cette série? Oui, sortie alors, il y a 15 ans. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que je me suis remis à faire je me suis remis à faire du vélo, non pas du tout. Je me suis Et pourquoi on parle de Star Trek? Ouais, parce que j'ai fait du vélo. D'accord, très bien. En fait, j'ai un vélo d'appartement, c'est comme ça que je m'entretiens, n'est-ce pas? Et donc il faut que je regarde des séries, des trucs voilà. Et en fait, je me suis remis d'un coup subitement sur un coup de tête à remater 24 en me disant ça passe le temps, j'ai pas trop besoin de suivre voilà, je peux. Puis c'est pratique pour savoir combien de temps t'as fait du vélo. Ouais. Alors oui, ouais. Alors juste petite parenthèse, donc un épisode dure 40 minutes. Donc comme je disais, parce qu'il y a les coupures pub aux États-Unis, donc du coup tous les quarts d'heure en fait, t'as un chrono qui s'affiche et tu as une petite ellipse de 5 minutes parce que bah t'as les 5 minutes de pub. Et donc c'est pour ça que aux États-Unis, tu avais vraiment une heure de temps de série, mais avec des pubs pour. Et du coup, est-ce qu'à la reprise de la pub, Jack Bauer, par exemple, s'il y a une pub pour les sneakers, est-ce qu'à la reprise, il mange un sneakers comme ça, ça, tu vois, ça fait la continuité. Alors non, bah, qu'il y a pas eu de pub. Non, parce que du coup, il a mangé le sneakers pendant la pub, donc tu le vois juste essuyer le coin des lèvres, tu vois, c'est tout. C'est parce que je trouve les gens de mauvaise foi quand ils disent il fait jamais pipi, il fait jamais caca et tout ça, mais qu'est-ce qui te dit qu'il ne le fait pas pendant la pause pub? Tu ne sais pas. C'est là où il recharge son téléphone aussi. Aussi, mais oui, bah ouais, ouais. Donc, du coup, je me suis remis à mater cette série en me disant, bon, de toute façon, je vais faire quelques épisodes, ça va me saouler, voilà. Et en fait, bah, la magie opère toujours, hein. La magie opère toujours, c'est ultra rythmé, c'est Jack Bauer est quelqu'un que je trouve de vraiment charismatique. C'est plein d'actions, de rebondissements, de retournements de situation qui n'ont absolument aucun sens. Et c'est peut-être le seul. En fait, la série ne vieillit pas trop dans sa réalisation, avec ses split screens, avec son timer et tout ça. Je trouve que ça reste tout à fait regardable encore maintenant. Ça n'a pas vieilli de ce côté-là. Par contre, en termes de scénario, déjà à l'époque, ça discutait de « Attends, mais c'est pas trop trop logique ce qui se passe. » Là, après, on a eu cette espèce de boom des séries avec Netflix et tout ça qui a apporté beaucoup de HBO aussi. Enfin voilà, qui a apporté beaucoup de séries hyper bien ficelées, qui sont à la limite de. Enfin, ça concurrence les films, hein, carrément, qu'on voit au cinéma. C'est aussi qualitatif. Et du coup, ça fait que en termes de scénario, 24 vieillit très mal puisqu'il n'y a que des rebondissements débiles, des climax à la con où tu dis non mais ça tient pas la route une seconde. Là, c'était hier, j'ai vu un épisode où en fait Jack Bauer doit choisir entre deux patients qui doivent se faire opérer. Il y en a un des deux qui va mourir et l'autre qui doit être sauvé. Il y en a un, c'est juste de l'affectif, et l'autre c'est pour avoir une information pour déjouer ce complot terroriste. Forcément, Jack choisit de sauver la Amérique et donc de sauver le patient qui peut lui donner son info. Et en fait, comme le médecin est déjà en train d'opérer l'autre, sa réaction, ça va être de pointer une arme sur le médecin pour lui dire non mais vas-y, sauve ce gars-là d'abord. Et le médecin il fait non mais tu fais n'importe quoi là, on est dans la cellule antiterroriste, je bosse avec toi, calmons-nous. Et non, en fait, il menace quand même le médecin de on sait pas trop quoi, est-ce qu'il va le buter ou quoi. Bon, voilà. Mais en tout cas, il le force à sauver l'autre personne. Et ça n'a aucun sens, et ça c'est un petit détail, mais il y a plein d'autres trucs débiles comme ça. En fait, ce qui est intéressant sur la série, c'est qu'elle commence, on est autour de 2005, on l'a dit, et en fait c'est une vraie c'est un vrai changement. Non, 2001, en fait à l'époque il n'y avait pas de, c'était des séries à feuilleton, vas-y. Non mais c'est ça, je voulais en venir là, où c'est du coup la démocratisation des séries à feuilleton, parce qu'on peut... Aussi suivre une trame, parce qu'on peut aller récupérer en Blu-ray, ou en DVD à l'époque, il n'y avait pas de Blu-ray, en cassette vidéo en 2001. Et surtout, c'est une série qui est très marquée par c'est l'Amérique de Bush, c'est l'Amérique qui est hyper vénère, qui est en guerre contre le terrorisme. C'est juste après les attentats du 11 septembre, en fait. Donc c'est vraiment, ouais, c'est un truc les de. Les attentats ouf. Du 11 septembre. Ouais, c'est un truc qui s'est passé aux États-Unis. Des mecs qui ont loupé leur atterrissage. Parce que moi, j'ai vu sur Internet que c'était pas tout à fait vrai. Hein. Oui, c'est vrai que c'était des hologrammes. Il y a des gens qui le pensent vraiment. Mais oui, absolument. Et du coup, si vous avez aimé Lost, si vous avez aimé Prison Break, si vous avez aimé toutes ces séries-là qui ont un vrai fil rouge, qui ne se contentent pas juste d'une enquête policière, et tu peux regarder la saison dans n'importe quel ordre, tu ne vas pas louper grand-chose. 24 a vraiment initié cette tradition d'un fil rouge continu que tu es obligé de suivre dans l'ordre et toutes les semaines pour avoir ton histoire complète et bien menée, quoi. Donc 24 est vraiment un espèce de pivot dans l'histoire des séries, notamment américaines, mais des séries d'une manière générale. Et je ne suis pas certain que ce soit enfin, que quelqu'un qui découvrirait la série maintenant soit intéressé par ça, parce qu'effectivement, comme je disais, l'histoire a souvent pas grand sens, vraiment. Ça tient sur 4 épisodes, et ensuite, ils partent sur autre chose en disant « Mais non, en fait, c'était ça depuis le début. » Et tu recolles les morceaux, tu te dis « Mais non, c'est pas logique du tout. Toi, tu ne peux pas être un méchant ou un gentil, ou inversement, tu ne peux pas être un agent double puisque tu as littéralement buté un mec plus tôt. » Enfin, voilà, il y a plein de trucs débiles comme ça. Mais en fait, ils ne savaient pas, quand ils commençaient la série, ouais, les auteurs commençaient une saison, donc une aventure de Jack Bauer, une journée de Jack Bauer, ils ne savaient pas comment ils allaient finir. C'est ça. Les scénaristes pouvaient changer en cours de saison. En gros, ça dépendait des saisons, mais t'avais des saisons où ils savaient comment ça allait se terminer quelques épisodes avant la fin. Parfois, c'était prévu un peu à l'avance, mais sans savoir ce qu'il allait avoir au milieu. Notamment dans la saison 3, c'est vraiment abusé. Et pour moi, c'était, comme je l'ai découvert, cette série avec cette saison-là, c'est une de mes préférées, mais là... Pour le coup, pour l'avoir revu, ça m'a fait un petit choc quand même. C'est que à la moitié, vraiment au bout de 12 heures, du coup, on change de. Oui, on résout la menace. D'antagoniste, menace. Voilà. Mmh. Mais c'est surtout que tu as au bout de quelques heures le. Non, mais vraiment, tout ça était organisé par. Moi, je vais pas spoiler, mais voilà, par quelqu'un. Par quelqu'un. Tout ça était organisé par quelqu'un. Depuis le début, c'est truqué. Et ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Et tu ne peux pas passer à côté et te dire « Ah oui, c'est crédible, on va continuer. » Non, si tu as un minimum de jugeote, tu vois que ça ne marche pas. Et voilà, mais bon, il ne faut pas... Comme le plan où on se débarrasse d'un premier président et du coup, c'est son frère qui devient président derrière. Ouais. Ok, super, super ouais. Les gars. Alors, il n'empêche que... Vivement qu'on est le frère d'Emmanuel Macron. Mais oui, et surtout dans cette saison où le frère remplace le président, on apprend qu'ils avaient une sœur dont on n'avait jamais entendu parler en 6 saisons. Et ça, c'est formidable. Tu apprends l'existence de personnages qui n'ont... Bref. Cela dit, ce à quoi tu fais référence a été un de mes plus gros chocs au niveau des séries. La disparition de certains personnages au début d'une certaine saison m'a foutu une claque monumentale en mode « Oh, on peut faire ça, c'est trop ouf !» J'étais jeune, hein, je le rappelle. Donc, pour le coup, moi, j'ai deux trucs sur cette série. Dans la catégorie choc, alors j'ai commencé à la saison 1. On l'a dit et répété, je suis un petit peu plus vieux que toi. Donc j'ai vu la saison 1 et il y avait des vrais chocs dans le sens où régulièrement, on mettait des personnages en danger. Mm. Mais c'est comme dans les comics, le héros va mourir, mais il est toujours sauvé par quelque chose. Et donc, quand la femme du héros est en danger ou quand machin est pris en otage, il y a toujours quelqu'un qui arrive avant qu'il se passe des choses graves. Un des personnages importants est menacé de viol pendant la saison 1 et elle se fait vraiment violer. Mm. Et je peux dire que j'étais en PLS total sur... Ok, d'accord, on en est à... On fait des trucs comme ça. Et du coup, il y avait un côté dans les séries où même si les aventures avançaient, il ne fallait pas détruire les personnages, tu vois. Et en fait, à la fin de la saison 1, il y a plein de personnages déjà qui ont été détruits. Ouais. Et l'univers du héros a été modifié, il y a eu de la trahison, il y a eu plein de trucs. Et du coup, la série aussi construit un univers. Tu peux te raccrocher au début d'une saison, mais tu es aussi face à un monde qui évolue devant toi au fur et à mesure des... Il y a 6 saisons et un film, c'est ça ? Non, il y a 8 saisons. Et un téléfilm. Il y a 9 saisons, pardon. En fait, il y a eu... Il y a eu 6 saisons, ensuite un film de 2 heures, ensuite tu as 2 autres saisons derrière et une 9e saison de 12 épisodes, je crois, où il y a une ellipse en plein, enfin, vers la fin de la saison. Et tu as eu une série spin-off, 24 Legacy, qui est sorti il y a quelques années quoi, après ça. Et du coup ce qui m'avait vite gonflé, c'est que si tu t'intéresses, du coup moi je suivais le truc pour voir aussi l'univers évoluer à partir du moment où j'avais vu que ça allait qu'on allait casser des trucs, en fait j'étais ah putain trop bien. Et mais en fait c'est le côté redondant en fait des histoires. C'est la trame de la saison 1 est répétée dans chacune des saisons, avec des éléments qui sont pas tout à fait forcément dans le même ordre, mais en gros il y aura une trahison, il y aura une destruction d'un morceau des bureaux, il y aura un changement de menace au milieu de la saison. Et c'est vrai que le côté répétitif fait que c'était un peu... Oui, complètement. C'est pour ça que c'est bien quand tu fais du vélo, quoi. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est un peu du vélo d'appartement. Du vélo, si oui. Du vrai alors vélo, si tu fais du vrai vélo, compliqué. Oui, c'est un peu ouais. Attention, regardez bien la route en même temps. Mais ouais, non, mais je suis d'accord avec Putain, toi. J'ai fait une vanne de Chris avant Chris, quoi. Non, moi j'en avais une autre. Savais-tu d'ailleurs que le président dans la série a aussi une grand-mère qui, elle, faisait du vélo? Oui, oh, c'est ah, rapport ça, à ma grand-mère fait du vélo. Bah voilà, ouais, j'avais pensé à ça. Même dans les vannes, on est rétro alors ce soir. Ouais, c'est pas une super blague, ouais, mais bon, écoute, voilà quoi. Mais non, mais il y avait un petit côté Game of Thrones avant l'heure, dans le sens où, alors pour le coup, Game of Thrones, en tout cas au début de la série, effectivement, tout le monde peut crever, tu sais pas qui peut crever, même les personnages principaux et tout ça. Dans 24, bon, Jack Bauer, il ne meurt jamais, il se pète trois côtes en une journée, mais il continue de courir et de faire des galipettes, c'est super. Par contre, effectivement, je suis d'accord, les personnages secondaires, tu ne peux pas savoir s'ils vont survivre ou pas. Et même pour des personnages qui sont implantés depuis assez longtemps dans la série, il peut leur arriver n'importe quoi, et ça, c'était assez cool de voir ça, et ça préfigurait un peu de toute cette mouvance Game of Thrones en mode ah mais on sait pas qui va mourir, c'est trop novateur et tout. Bah voilà quoi, 24 l'avait fait avant. Mais ouais, après il y a aussi faut être républicain dans l'âme, hein, pour regarder 24. C'est la patrie, l'Amérique avant tout. Tout doit être mis en œuvre pour protéger la vie des citoyens américains, y compris le mensonge, l'intrusion dans tes données personnelles, la torture aussi des citoyens américains pour sauver les citoyens américains. Enfin voilà, c'est pas une série très très oui voilà, faut être Trump comment Bernie Sanders, il a pas bien aimé, dis donc, hein. Oui, non, tiens, c'est pas cool. J'aurais pas fait comme ça, il a dit. Même si, pour le coup, il y a un président noir pendant 3 saisons, et ça, enfin, ouais, 3 saisons, bref. Et ça, avant Obama, et ça, c'est plutôt stylé. Mais il y a un président très con après George Bush, c'est drôle. Absolument. Donc voilà, 24, je sais pas si ça... Moi, ça m'intéresserait de savoir s'il y a des gens qui découvrent 24 maintenant, ce qu'ils en pensent, en fait. Mais je ne suis pas certain que ce soit... que ça fasse le même effet que moi qui ai découvert ça gamin, en mode... oh là, j'avais jamais vu une série comme ça et tout, donc forcément, ça m'a mis une petite claque. Et en fait, c'est ces émotions-là que je retrouve en rematant la série maintenant. Il y a vraiment des moments bien bien fichus quoi, malgré tout, qui sont juste qu'il faut prendre de manière, enfin on va dire ponctuelle quoi. Faut pas les remettre dans le fil rouge global de la série, parce que sinon effectivement ça n'a aucun sens. Mais en tant que moment, ça marche bien. Pour les gens qui voudraient découvrir cette série historique dont vous parlez là depuis tout à l'heure, est-ce que c'est disponible sur Netflix, Amazon Prime Alors c'est une bonne question, moi j'ai les DVD chez moi. Ah ouais, non, laisse tomber quoi, les DVD quoi. Voilà. Ah, d'accord, ok boomer quoi. Et c'est une bonne question, je sais pas si c'est disponible quelque part, je suis pas sûr. Je sais qu'en tout cas, moi qui aime bien le matériel, ce n'est disponible qu'en DVD, il n'y a pas eu d'édition Blu-ray pour cette série. Ah c'est mort quoi, c'est mort, les jeunes d'aujourd'hui, le DVD quoi, c'est bon, laisse tomber. Netflix first. Mais toi t'as regardé à 24, Yanda? Alors j'ai regardé quelques épisodes, mais il y a très longtemps, j'en ai aucun souvenir. J'ai été bien plus traumatisé par Prison Break. Alors les deux premières saisons. Après c'est de la merde, ça devient n'importe quoi. Ouais, on pourrait en parler ça aussi, mais je suis d'accord, mais j'ai eu un petit faible pour toute la série. Moi aussi j'ai tout regardé hein, jusqu'à la fin. J'ai hurlé à la fin au scandale, mais les deux premières saisons m'ont vraiment marqué. Justement, pour le coup, t'en parlais avec 24, j'avais vraiment eu surtout sur la saison 1 quand je découvrais le truc, une vraie tension. Vraiment, à partir du moment où tu accroches au truc, ça m'avait marqué à l'époque et j'en garde encore un souvenir de vraiment être tendu quoi. Tu regardes les épisodes et t'es vraiment un stress, une grosse tension avec les grandes montées d'adrénaline. Alors que bon, dans l'absolu, ça reste une série et je sais pas si en le revoyant maintenant, en le découvrant maintenant à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'aurais la même sensation ou pas. Il y a quelques séries encore aujourd'hui quand je regarde où je prends des petits twists que je vois pas venir, je fais oh putain, bien joué. Ouais, mais là vraiment une tension comme ça dans Prison Break saison 1, c'était assez assez fort quoi. Mais 24, Prison Break, j'ai plus Prison Break qui d'ailleurs est aussi une série de la Fox comme 24, et tu retrouves un peu les mêmes thèmes de il y a du grand complot, il y a du de la violence, la famille avant tout, enfin c'est toujours les mêmes poncifs. Mais Prison Break, ouais, c'est exactement dans cette mouvance-là. Et leur souci à ces séries-là, à 24 et Prison Break, c'est sans doute le fait qu'il y ait 24 épisodes et qu'il donc faut les combler, ces 24 épisodes. Il faut écrire 24 épisodes sur un même sujet, on va dire. Et donc, forcément, au bout d'un moment, tu es obligé de trouver des rebondissements. Et c'est là où ça part un peu en sucette souvent. Mais Prison Break, je trouve que ça se tient encore. Et je pense que c'est celle que je vais me refaire après 24 pour voir si ça a vieilli aussi en termes d'écriture, quoi. Mm-hmm. Je vous en reparlerai ici même, bien sûr, évidemment. Le rendez-vous est pris. Je suis en train de me dire, parce que là tu parles d'une série, comment les gens la verraient? C'est une série que j'ai découvert quand j'avais 14-15 ans. Comment les gens la verraient s'ils la découvraient aujourd'hui? Je suis en train de me dire comment les gens verraient les séries que moi j'ai découvert quand j'avais 14-15 ans. Je suis assez curieux de voir la vie des kids sur Code Quantum, par exemple. Oh putain, trop bien. Qui pourrait être ouais, ça serait rigolo avec Scott Bakula. Je sais pas. Mais oui. Je pense que ça marche encore de ouf, moi. Je sais pas. Tu sens que ça vieillit, mais c'est. Ouais, c'est ça. Après, ça se prend moins la tête. C'est moins sérieux. C'est plus le vintage. Tu vois, Sliders, c'est pareil. Sliders, c'était bien. Sliders, c'était génial. Mais moi, j'adorais, mais je pense que par contre, ça a très mal vieilli. Par contre, tu vois. Déjà quand Sliders est sorti, pour moi c'était déjà la ressucée de Code Quantum, quoi. C'était le même truc, je voulais pas regarder. Et du coup je suis passé complètement à côté de la série parce que attends, il passe dans les dimensions comme Code Quantum, c'est pas bien, machin. Mais Sliders, techniquement, ça a dû beaucoup vieillir, mais dans les thématiques et dans les, enfin voilà, dans les univers qu'ils explorent, c'est super intéressant. Et ça c'est quasiment intemporel pour le coup. Je suis d'accord. Et même vraiment. Ouais. Et même t'avais la série a commencé à décliner quand, je trouve, ça devenait intéressant, puisque tu commençais à avoir un fil rouge avec les méchants Chromax, qui étaient donc des envahisseurs interdimensionnels. Et donc du coup parfois ils arrivent dans des dimensions que ces envahisseurs là avaient déjà conquis, et du coup c'était t'avais vraiment un méchant un vrai méchant global, on va dire, et puis du danger qui pouvait surgir encore plus à chaque instant. Et ça c'était chouette, mais ça n'a pas pris, le public n'a pas adhéré. Et du coup, moi, je réfléchissais, parce que j'ai pas du tout maté 24, j'ai pas du tout maté Prison Break, c'est pas du tout le genre de série auquel j'accroche. Et du coup, je réfléchissais à quelle série je regardais à l'époque. Je suis pas du tout adepte des séries, je regarde très peu de séries. Et à l'époque, la seule série que j'ai suivie au début des années 2000, c'était Doctor House, voilà. Ah, Donc, oui. C'est le seul truc que je matais à l'époque. Et je suis complètement passé à côté de 24 et de Prison Break. Et depuis, il a fini avec les séries CW. Voilà. Non, mais il y a très peu de séries que j'ai suivies. Il y a House, il y a How I Met Your Mother. C'est une série que j'ai vraiment suivie début à la fin et dont j'ai adoré le fil conducteur et les trucs calculés. Enfin, alors je sais pas si c'était vraiment calculé, mais des fois, 3 saisons avant, et t'as la réponse que des dizaines d'épisodes après, tu dis soit les mecs l'ont vraiment calculé, ils sont très très forts, soit c'est hyper bien trouvé comme twist. Ça fait partie des rares séries que j'ai vraiment suivies. Même les séries CW, j'ai maté le début et il y a des trucs que j'ai bien kiffé, tu vois, mais j'ai pas suivi ça vraiment en me disant je voudrais bien savoir ce qui va se passer après. Je suis pas un gros consommateur de séries parce que j'ai du mal à mater des épisodes, soit il faut attendre entre les épisodes et ça m'emmerde, soit il faut se mater plein d'épisodes à la suite et ça m'emmerde. De toute façon, tu n'aimes rien, on le sait. Le mec n'aime rien. Il y a rien de compliqué à ça. Je crois que c'est un constat qui est assez juste. Bon, sur les séries télé, visiblement on n'est pas d'accord, hein. Parce que Sliders ne mettra pas tout le monde d'accord, Doctor House non plus, How I Met Your Mother, j'ai pas essayé, tu vois. En revanche, on s'est découvert dans le dernier épisode une passion commune qu'on ignorait complètement. Pour le vélo. Ah non, c'est pas juste. Mais non, pour Metroid. Mais oui, évidemment. Alors, Yanda, toi qui ne connais pas du tout Metroid, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que tu sais de cette licence, qu'on puisse poser les bases pour les gens qui n'y connaissent rien? Pour toi, Metroid, qu'est-ce que c'est ? Alors, attention, je pense que, chers auditeurs, chères auditrices, vous risquez d'entendre quelques saturations microphoniques de la part de mes compères lorsque je vais évoquer mes connaissances en matière de Metroid. Hein. On va être sur du scandaleux. Non, alors je sais que c'est un personnage qui a été intégré forcément dans les opus de Smash Bros. Oui. Donc ça, c'est chouette. Parce que j'aime bien Smash Bros. C'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs la licence. Moi, c'est grâce à Smash Bros parce que je connaissais pas ce personnage avant. Après, alors de mémoire, le personnage s'appelle Samus. Oui, Samus si Aran. Voilà. Et c'est ensuite, alors, une personne dotée d'une armure. J'ai un appel d'Éric Zemmour qui me dit que si elle pouvait changer de prénom, ouais. pour s'appeler Jacqueline on va Clotilde. L'appeler on va l'appeler Corinne. Ou Ginette éventuellement, parce que c'est un peu gênant. On va l'appeler Corinne. Corinne Aran. Quelle horreur. Voilà. Et donc Corinne revêtit une armure et par le biais de cette armure, il s'avère que des fois, elle revêt une armure. Excusez-moi. Ouais. Nous avons également Maître Capello parmi nous ce soir. Disons, ça commence à faire beaucoup de monde. donc. Ouais, c'est Maître Compello, c'est celui qui a toujours quelque chose à, tu sais, qui ramène sa gueule quoi. Mais comme un gros con. Ouais, c'est Compello. Et du coup, des fois, elle se met en boule. Ça, c'est parce que c'est une femme, ça. C'est super bien résumé, oui. Voilà, parce qu'il y a des fois, elle arrive dans les niveaux et à l'époque c'était de la 2D. Et en fait l'espace pour avancer était trop petit. Elle s'est dit comment je fais. Et elle s'est dit attends, t'as une armure, sois maline, Corinne, hein, use your brain, tu vois, comme on dit en Australie. Et mets-toi en boule, quoi. Et donc là, hop. Hop, elle se met en boule et tu peux avancer dans les niveaux comme ça. Voilà, c'est à peu près tout en ce boule. Que... En boule, bien sûr. Bah si on avance mieux, vaut mieux rester en boule, c'est plus simple. Bah écoute, a priori, écoute, c'est une philosophie que Sonic a conduit tout au long de sa vie et il s'en est relativement bien porté, donc je pense que c'est pas mal. Je propose une émission où Yanda résumerait des jeux auxquels je ne connais pas. Ouais, attends, c'est ça. Qu'on en fasse un format régulier. On peut faire un podcast à part, hein. Les jeux vidéo brisés par Yanda, quoi. C'est... La base, on appelle ça juste la base. Ouais, la base. Matt, toi aussi tu aimes Metroid? Parce que du coup, tu nous l'as pas dit l'autre jour. Tu nous as juste dit, ah, vous aimez tous les deux Metroid, mais tu nous as pas parlé de ton amour pour Metroid. Est-ce que vous voulez que je raconte ma rencontre avec Metroid? Ah, bah vas-y. Ah oui, alors. Ah, parce que je l'ai pas du tout rencontré dans Smash Bros. Moi, je l'ai rencontré dans Metroid sur NES. Oui, donc le tout premier, alors, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, mes parents étaient persuadés, on est au tout début des années 90, et il y a une légende urbaine qui dit que si tu branches une console sur ta télé, qui est un tube cathodique à l'époque, qui est une grosse télé qui est plus profonde que la largeur de l'écran, que ça va casser le tube cathodique et que donc ça ne va pas marcher. Donc, nous, quand à 10-11 ans avec mon frère, on commence à tester un peu pour avoir des jeux vidéo, on ne peut avoir évidemment que des consoles portables, pas des consoles qui vont sur la télé. Mon frère obtient une Game Boy et moi j'obtiens une Game Gear de Sega. Ah non. Attendez. Non. J'interromps tout de suite. Non, quand j'avais 11 ans, c'était une Game Gear. Merci, une Game Gear. S'il te plaît. Quand j'avais 11 ans, c'était une Game Gear. Merci. Mais aujourd'hui, maintenant que je regarde des youtubeurs jeux vidéo, c'est une Game Gear. Non, c'est une Game Gear. Voilà. On est à peu près de la même génération, c'est une Game Gear. Faut arrêter les conneries. Metal Gear Solid, oui, d'accord. Mais la console, c'est une Game Gear. Arrêtez de me faire chier. C'est pas possible. De toute façon, les GE en anglais, ça a toujours été mon problème. Je vous rappelle que j'ai quand même fait deux émissions où j'explique le mot aux gens avant de savoir qu'il faut le prononcer à l'américaine. Bref. Pardon, excuse-moi. Donc oui, j'avais une Game Gear et en fait le problème de cette console c'est qu'il y avait un écran en couleur qui consommait énormément de piles puisque avec 6 piles tu pouvais jouer entre 3 et 5 heures. Putain, c'était l'enfer, c'est vrai. Et donc c'était un peu relou, je pouvais jamais jouer du coup longtemps. T'as pas le temps de finir Sonic par exemple avec la durée de vie des piles. C'est juste t'as pas le temps de finir le jeu, elle s'éteint avant que t'aies fini. Et du coup, je commence à trouver que la console est un peu relou à utiliser. En plus, j'ai pas beaucoup de jeux dessus. Et puis, je connaissais rien du tout en jeux vidéo. Et je trouve un mec qui a une NES et qui en veut plus. Et sur sa NES, il a plein de jeux. Et en fait, lui, ça l'intéresse d'avoir la game, comme dit Yanda. Donc, on échange. Et donc, je refile ma Game Gear avec... je devais avoir un jeu de Donald, The Lucky Dime et Sonic dessus. Et puis bah, Columns qui était vendu avec. Et j'échange ça et je récupère 7-8 jeux avec. Et du coup, c'est le moment où on commençait à parler de la Super NES et donc les gens revendaient leur NES. Et il y avait plein de mecs qui revendaient plein de jeux de NES. Et du coup, j'ai eu cette console et au Noël suivant, j'ai eu genre 30 jeux d'un coup parce que... Une chier de jeux donc vu le parce son. Que les mecs, voilà, les revendaient entre 5 et 15 euros, donc on a acheté plein de jeux et puis voilà, c'était bien. Tu veux dire que c'était ouais, voilà. Les mecs revendaient déjà en euros. J'ai fait la conversion pour vous, les gars. C'était un monde parallèle de Sliders, les mecs étaient déjà en euros en 1990. Et du coup, à l'époque, on n'a pas d'infos sur les jeux. C'est-à-dire que les jeux qui sont sortis il y a 3-4 ans, t'as pas internet pour trouver des infos dessus. Et dans le dernier numéro de Console Plus ou de Player One, parce qu'il n'y avait pas internet pas en 1990 en plus. Bah non, ni les euros, ni internet. Moi, je comprends, il y avait déjà les euros, il y avait pas internet. Il fallait que t'ailles dans des espèces de petits endroits dans la rue où t'avais un téléphone, c'était des petites boîtes et tu pouvais téléphoner comme ça, t'avais pas de portable, c'était alors, un truc de fou. Est-ce que tu... Tiens, j'ai une anecdote cabine téléphonique, une non-anecdote cabine téléphonique. Je me suis dit que tu te rends compte que dans quelques années, il n'y aura plus personne qui a déjà fait l'amour dans une cabine téléphonique. Puisque ça ne sera plus possible, ça n'existe plus. Alors, sous-entends, est-ce que tu sous-entends que tu as déjà fait l'amour dans une cabine téléphonique ? Non, et du coup, je le regrette fortement. Je me dis que peut-être que je n'en aurai plus jamais l'occasion. Voilà. Donc, mais est-ce que tu crois qu'on pourrait France demander... Télécom, si tu m'entends, remets des cabines téléphoniques. Les PTT, est-ce qu'on peut avoir des cabines avec des lingettes ? S'il vous plaît. Les PTT. Donc bref, ton histoire, Matt, je récupère une liste de jeux formidables pour un prix des sciences de concurrence et comme j'avais aucune information sur les jeux, je les ai choisis sur leur titre. Voilà. Et Metroid. Metroid, voilà, c'est ça. Voilà, Metroid, ça sonnait bien, donc voilà, j'ai acheté... J'ai peut-être même récupéré tout le lot du mec, en fait, sans me poser de questions. Du coup, juste pour petite info, Metroid, c'est donc 86, le premier jeu voilà, que tu as découvert, donc peut-être 5-6 ans plus tard, quoi. C'est ça. Okay. Et c'est un jeu labyrinthique, puisqu'en fait, Yanda a expliqué le concept. Au début, tu commences, t'es un personnage en armure, t'es dans une sorte de couloir, et puis il y a des portes qui vont avoir des couleurs différentes que tu peux pas ouvrir parce qu'il faut que tu trouves comment l'ouvrir. Il y a des passages qui sont étroits, donc il faut que tu trouves le pouvoir de te mettre en boule pour pouvoir passer. Et donc du coup, c'est un jeu où tu vas devoir... Ça mélange des phases de plateforme et un peu de tir parce qu'il y a des monstres et que t'es dans l'espace et que tu dois buter des créatures qui en veulent à ta vie. Et il y a de l'exploration parce que ce couloir devant lequel t'es passé, tu peux pas l'ouvrir pour l'instant, mais il faut que tu te souviennes qu'il est là parce que tu vas devoir y revenir quand t'auras trouvé le pouvoir qui va l'ouvrir. Mais tu sais pas encore quel pouvoir c'est, donc tu dois voilà. Donc faut faire des cartes, bien sûr, faut dessiner des cartes sur ton cahier, évidemment, parce qu'il y a pas de cartes dans le jeu et il y a quasiment pas de texte. On t'explique pas. Le jeu commence, le personnage pop. Et t'es là, quoi. Et à toi d'inventer la vie qui va avec. Pourquoi elle est là? Quelle est la mission? Ce qu'il faut réussir à faire? Et alors, j'ai jamais réussi à faire la carte. C'est trop compliqué. Ça tenait pas sur tes feuilles Clairefontaine de l'époque, tout ça. Et donc, j'étais très frustré par ce jeu. Mais j'ai quand même vu la fin parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque. Il y avait des passwords. Donc, un password, c'était un code que tu devais rentrer dans le jeu pour arriver à une certaine étape du jeu. Et en fait, dans les magazines de jeux vidéo, dans la rubrique trucs et astuces, on te filait des codes dans le jeu. Et donc, en mettant un certain code, tu pouvais arriver à la toute fin du jeu avec tous les blocs de vie, toutes les armes, juste devant le point de sauvegarde du boss de fin. Et donc, j'ai pu battre le boss de fin. Et donc avoir la séquence où quand tu bats, c'était la révélation du jeu, spoiler d'il y a 86, d'il y a 35 ans, quand tu bats le boss du jeu et que tu as bien poutré le jeu, le personnage enlève son armure et tu comprends que c'est une femme, ce que tu ne savais pas du tout au début du jeu. Si t'as pas beaucoup fait le jeu, elle enlève juste son casque. Si t'as beaucoup fait le jeu, elle enlève son casque et son haut, elle est en bikini en dessous. Et si t'as complètement fait le jeu, elle enlève toute son armure et tu l'as du coup en bikini de pièces. T'as une petite blonde bien roulée. J'ai eu hyper peur. Tu l'as chez toi. Si t'as bien poutré le jeu, elle vient chez toi en vrai. Code Lisa. Allez, bim, référence encore. Référence 90. Code Lisa, excellent. Code Lisa, c'est une repompée d'Ottoman. J'étais pas content non plus quand j'ai vu arriver ça dans Giga, mais bon, on en reparlera. Code Lisa, à la base, c'est un film. C'est un film qui a ensuite été dérivé en série. On parlera de Giga, de Code Lisa, du magazine XL dans un autre numéro. Et donc, bref, moi, j'étais très frustré par ce jeu parce que ça avait l'air super cool, mais qu'étant donné que j'étais perdu tout le temps, je comprenais rien, c'était relou et tout. Enfin, bref. Du coup, ça marchait pas. Et ensuite, est arrivé Super Metroid sur Super NES, que là, j'ai bien poutré comme on. 94. Et alors, Super Metroid en plus, alors non seulement Super Metroid, il y avait la carte intégrée au jeu, donc c'était beaucoup plus facile, il y avait des points de sauvegarde, il n'y avait plus de password, et en plus c'est l'époque où Nintendo avait l'habitude de sortir ses jeux en cartouche avec le guide de Solus. Qui m'a pondu une idée pareille ? À quel moment dans un jeu où il faut chercher des trucs, tu donnes la Solus avec aux gens ? Mais du coup le jeu, mais je l'ai retourné. Je l'ai poutré immédiatement. Parce que bah, quand tu galères un peu sur un jeu, après tu cherches et tu trouves la solution. Mais attends, moi à 14 ans, je galérais 10 minutes et j'allais chercher la page du truc, quoi. Attends. Et puis il y avait les artworks et tout dans le jeu. Donc tu pouvais dire, ouais, non, mais je regarde le bouquin, c'est un peu pour les artworks et tout. Mais en fait, je regardais ce que j'allais faire. Et du coup, quand j'arrivais au boss, je disais à mon frère, regarde, tu fais comme ça, tac, tac, et tu niques le boss, tap. Et du coup, ouais, c'était... Et Secret of Mana, c'était pareil. Il y avait le guide du jeu avec. Enfin, c'est quoi le concept de filer le bouquin d'astuces avec le jeu, quoi ? On était faibles. On lisait les astuces. Hein. Tu peux pas résister à une tentation pareille. Et puis, maintenant, il y a Internet, tu vois. Donc, voilà, pareil. Et j'ai pas fait les autres, en fait. Il y a celui sur Game Boy que Metroid j'avais pas 2. Eu à l'époque. Ouais. Et du coup, que j'ai pas fait depuis. Pourtant, j'ai plein de bécanes de rétro gaming et tout. C'est un des jeux que j'ai pas fait. Il y a plein de Metroid. Il y a Metroid Prime, Metroid tout ça. Il me semble avoir testé un Metroid qui se joue en vue subjective et que j'ai pas pu faire parce que les contrôles sont pensés pour un droitier. Genre, il y a plein de trucs à faire. Ça doit être Metroid Prime Hunters sur DS alors. Ah, c'est possible. Et du coup, j'arrivais pas à y jouer. J'arrivais pas à le passer dans l'autre mode et je galérais trop pour. Il y a un truc ouais, dans la prise en main qui m'allait pas du tout. Ouais, ça devait être ça. Tu jouais avec le stylet posé sur l'écran tactile pour pouvoir bouger la tête. Donc du coup, il fallait être droitier. Bah voilà. Et je suis frustré. Et du coup, j'ai pas fait les autres. Et c'est une licence que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que l'univers est cool. Que tous ces petits extraterrestres, machin, j'aime bien. Le côté exploration, aller chercher les ressources, j'aime bien. Mais ouais, c'est un truc que j'ai pas plus creusé que ça. Et quand on a décidé d'en parler, de ce petit jeu, je me suis dit, oh bah attends, j'ai une bécane, j'ai une grosse recall box avec plein de jeux à l'intérieur, je vais me le refaire et tout. Non, je l'ai pas refait du tout. J'ai pas joué au Metroid 2 et tout ça pour en savoir plus. Et donc bah, parlez-moi de ces Metroid que je n'ai pas fait, les amis. Ouais, tu parles de Metroid 2, bah tu vois, moi c'est le dernier que j'ai acheté dans le sens où j'ai acheté son remake le sur remake. 3DS. Mmh. Ouais, Samus Return sur 3DS, c'est le remake de Metroid 2. Donc tu vois, c'est assez sorti facile. En 2017 pour la version 3DS. Valentin, c'est vraiment monsieur dame de Metroid. Parce que, alors là, ouais, j'ai pas du tout la fiche Wikipédia sous les yeux. Je vais aller refoutre ma 3DS en charge immédiatement. Moi, mon premier contact avec Metroid, il s'est passé sur une console qui est sûrement la console à laquelle j'ai le plus joué dans ma vie, qui est la Game Boy Advance, parce que c'était une console de dingue qui te permettait de jouer à des jeux type Super Nintendo, NES, ouais. Un peu où tu voulais. Et moi, la Super NES, c'était genre une des consoles que j'ai le plus usée dans mon enfance, mais tu peux pas l'emmener partout. Et quand on m'a donné une console portable qui faisait la même chose et que tu pouvais emmener partout, autant te dire que la Game Boy Advance, j'ai poncé sa ludothèque, notamment les Castlevania, qui sont d'ailleurs dans le même genre que les Metroid, si t'aimes bien les side-scrollers avec de la plateforme, avec de l'exploration. Qui ont donné le nom d'un genre de jeu d'ailleurs, du coup, les Metroidvania, où tu explores et tu récupères des items pour aller plus loin et tout. Et les Castlevania sont juste dingues sur Game Boy Advance, et du coup, j'ai fait le premier Metroid de la Game Boy Advance, qui est Metroid Fusion, le suivant étant Metroid Zero Mission, je crois, c'est de ça, mémoire. Qui est un remake... Ah, il y a Zero Mission. Ouais, qui est un remake du premier... Le jeu se finit hyper vite. Au secours. Et donc j'ai commencé par ces deux-là que j'ai pareil donc comme les Castlevania en mode à explorer chaque petit recoin de la carte pour trouver tous les passages secrets pour avoir 100% de la carte etc. Et donc ces jeux-là je sais pas combien d'heures j'ai passé dessus mais c'était hallucinant à l'époque. Je pense qu'une bonne partie de l'échec de ma scolarité est due à la Game Boy Advance. Et puis après effectivement il y a eu Metroid Prime sur GameCube. Je n'ai fait que le premier par contre Metroid Prime, j'ai jamais fait le 2 et le 3. Je suis beaucoup moins client, je suis un vieux et du coup je suis beaucoup moins client des versions 3D de jeux que j'ai connus en 2D. Je préférerais toujours les Zelda en 2D, les Metroid en 2D aux versions 3D de ces jeux là, alors que j'ai aucun problème à jouer à des FPS en 3D, hein, genre Doom, voilà, mais voilà, Metroid pour moi c'est l'exploration en 2D, un peu de plateforme, des pouvoirs à débloquer, etc. Et donc après j'ai refait celui de la Super Nintendo, je ne sais plus où, quand et comment, je pense que ça doit être dans sa version, il me semble qu'il est... il devait être ressorti sur la, c'était quoi, c'était sur la DS ou la, je sais plus, enfin sur une des consoles portables de Nintendo, il était ressorti il me semble sur le eShop ou un truc du genre. Ah oui, oui, oui, oui, c'est ça, sur le eShop, mais du coup, pour moi, c'est plus sur les... Moi, sur la Wii U, je l'avais, par exemple. Ah ouais, c'est possible. Je t'avouerai, je ne sais plus où je l'ai refait, mais je sais que j'ai refait celui-là. Et ensuite j'ai commencé récemment, je n'ai pas du tout continué, le fameux Samus Return sur 3DS. Et ouais, j'ai joué. Alors oui, du coup, j'ai fait le tout premier dans sa version, ils l'ont ressorti, ils avaient fait une collection classique de la NES sur Game Boy Advance, et donc je l'ai en version classique sur Game Boy Advance, où là, t'avais vraiment rien. C'était pas un remake, quoi, c'était vraiment la version un NES. Un portage, quoi. Ouais, voilà, c'était un portage pur et dur, un peu vieillot du coup pour l'époque. Et ouais, j'adore, c'est vraiment un style de jeu que j'adore. Donc il y a Metroid, mais il y a effectivement aussi des Castlevania qui étaient vraiment ouais, des jeux sur lesquels j'ai passé des heures et des heures et des heures quand j'étais collège, lycée, surtout lycée, je pense, à cette époque-là. L'autre force de Metroid, c'est l'univers cinématographique. Il y a plein de, clins d'œil, il y a des trucs comme Alien, par exemple, dans oui, le voilà, premier. Oui, voilà, la grosse référence, c'est Alien, déjà, c'est sûr. Et il y a du storytelling, en fait. Alors, du coup, j'en ai fait que deux. Mais dans Super Metroid, tu as quand même toute une scène d'intro où tu vas dans une station spatiale, tu comprends que le Metroid, c'est... Donc, tu vois le vaisseau arriver avec des effets de zoom et tout ça, où tu comprends que le Metroid s'est échappé, tu dois réussir, toi, à t'échapper de la base pète, ça t'envoie sur une autre planète, t'as des plans où tu vois le vaisseau arriver et tout, qui pour le coup était exploiter les capacités techniques de la Super NES avec des trucs genre waouh, on n'a jamais vu le vaisseau être plein écran et disparaître en dézoom dans la planète par exemple. Il y a un vrai attachement à la façon dont on va raconter l'histoire, quoi. Les introductions des boss, ce genre de choses étaient vraiment des trucs hyper travaillés jusqu'à la Super NES. C'est ça, c'est le côté cinématographique qui te fait kiffer, Valentin? Oui, absolument. Alors moi, contrairement à Chris, alors c'est Yanda il passe la meilleure soirée de sa vie là. Non, en vrai, je vais te livrer ma pensée telle quelle. Je me rends compte que je suis complètement passé à côté de cette licence, quoi. Parce que, enfin voilà, les années que vous évoquez et tout, c'est des années où je jouais et beaucoup et j'essaie en fait de réfléchir à ce moment-là sur quel type de jeu j'étais et sur quoi j'étais, quoi. Donc bon, déjà Castlevania, ça m'aiguille un peu, mais je suis complètement passé à côté de cette licence, quoi. Fallait avoir une console Nintendo déjà, sinon t'étais mal barré. Alors écoutez-moi bien, monsieur Vépour, j'ai envie de vous dire que j'étais équipé d'une Super Famicom, donc je vous prierai de respecter. Mais non, je pense que j'étais plus j'étais sur du Castlevania, Street Fighter, et après j'étais plus sur du... peut-être Street of Rage, Double Dragon et tout ça aussi. À ce moment-là, j'ai quand même pas mal poncé ces trucs-là. C'était avant les Final Fantasy, du coup, donc ouais, je pense que... J'étais sur des jeux de bonhommes. Quoi. J'étais plus sur de la bagarre, quoi. Voilà, c'est ouais. Ça. Quoi. J'étais pas sur des trucs avec des gonzesses en armure. Killer Instinct, meilleur jeu de baston de la Super NES. Killer Instinct, putain, ouais. Mais j'étais plus sur du, ouais, voilà, sur du Ghouls and Ghosts, Altered Beast, ce genre de jeu vrai avec des hommes en personnage et pas des et pas des gonzesses, quoi. Enfin bon, je vais m'arrêter là parce qu'on peut plus rien dire aujourd'hui, donc. Par contre, avant que on dise qu'on ne peut plus rien dire. Effectivement, juste moi je suis peut-être, c'est peut-être une question de génération, mais comme je suis le plus jeune d'entre nous ici, moi j'ai découvert la série donc via Smash Bros comme je disais plus tôt, mais surtout avec les Metroid Prime, donc en 3D, et au final j'ai jamais trop adhéré au Metroid 2D. Et alors mon frère qui est plus jeune que moi, par contre, lui il a retourné Super Metroid, donc l'opus de Super NES. Il adore ce jeu, c'est peut-être son Metroid préféré, mais voilà, quoi. Donc comme quoi même les plus jeunes peuvent adhérer à ça, mais moi c'est vraiment dans Metroid, ce que je préfère, c'est les Metroid Prime, où en fait, bah, donc c'est adapté en 3D, vu à la première personne. Donc on est derrière le casque de Samus, avec le canon devant soi, enfin comme un FPS. Tu veux dire qu'on est dans la gonzesse ? J'ai pas c'est voulu sale. La faire, mais oui, je suis désolé. C'est exactement ça. Samus, quoi. Mais tu es Samus, absolument. Voilà. Metroid Prime sorti en 2002, mais moi j'ai joué vers 2004, un truc comme ça, quand le deuxième est sorti, donc j'ai enchaîné les deux. Et effectivement, il y a un aspect hyper cinématographique, comme disait Matt. Tu as plusieurs modes de visée, pour viser infrarouge, viser de combat classique, voilà. Et tu as aussi un mode de visée qui te permet d'analyser les objets autour de toi et les écrits autour de toi des différents peuples que tu vas rencontrer. En fait, dans les trois jeux, en gros, pour résumer, tu arrives sur des planètes où chaque civilisation de chaque planète a disparu. Et tu peux recomposer son histoire en analysant les écrits qu'ils ont laissés sur les murs, dans leurs ordinateurs et tout ça. Et en fait, comme c'est un jeu qui respecte le produit de base, donc à savoir l'exploration que tu peux faire dans un certain ordre, t'es pas libre, mais tu peux aller dans des endroits avant de te rendre compte que tu ne peux pas tout de suite y accéder, mais t'en as exploré un peu une partie, donc tu reviens en arrière, tu récupères le bon item et tout ça, tu avances, donc tu tâtonnes à chaque fois. Et en tâtonnant, en fait, tu trouves des éléments de l'histoire, mais pas forcément dans l'ordre chronologique. Et donc du coup, tu reconstitues petit à petit l'histoire de chaque peuple, où l'histoire, en fait, ça se joue sur différentes périodes. Soit c'est un peuple qui a disparu depuis très très longtemps, mais tu as aussi les méchants pirates de l'espace qui vont envahir la planète et qui, eux, sont là depuis quelques mois à peine. Et tu peux aussi reconstituer leur histoire en mode nous, on arrive sur la planète pour trouver telle ressource. En même temps, on tombe sur cette espèce d'alien qui est un peu chelou, on pense qu'on peut l'exploiter et tout machin. Et en fait, plus t'avances dans l'alien chelou, c'est le Metroid. C'est le Metroid. Mais pas que, t'en as d'autres après, mais effectivement c'est la ressource rare et précieuse, puisque le Metroid est aussi capable d'emmagasiner de l'énergie et donc peut être utilisé comme source d'énergie, en gros, voilà. Et du coup, tu as aussi des passages où tu apprends l'histoire des pirates de l'espace qui font sur cette planète et tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu vas avancer dans le jeu, tu vas voir dans leurs archives, on vient de voir que Samus est à notre housse, qu'elle va pas tarder à arriver. Donc, on va commencer à planquer tel ou tel truc. Et tu comprends pourquoi toi, t'as autant galéré dans le jeu à aller à tel endroit ou à accomplir telle action. Et donc, du coup, il y a voilà vraiment ce côté, je reconstitue l'histoire dans une atmosphère de science-fiction digne d'Alien, ouais, notamment le tout début du premier Metroid, c'est carrément ça. T'arrives sur un vaisseau abandonné où tout a explosé et tout, et tu dois savoir ce qui s'est passé. C'est super intéressant. Moi, ça m'a vraiment foutu une grosse claque à l'époque, et j'ai fait les trois Metroid Prime sur GameCube et Wii, du coup. Et c'est super bien. Le troisième est encore plus cinématographique, puisque t'es un peu plus conduit, t'es un peu moins libre de tes actions, on va dire. Et puis t'as des phases qui sont beaucoup plus mises en scène que les deux précédents jeux, où t'es beaucoup plus seul. Là, dans le dernier Metroid, t'es vraiment plus conduit avec la Fédération Galactique qui est avec toi et tout. Donc c'est une autre ambiance qui est, pour moi en tout cas, beaucoup ont décrié ça. Moi, j'ai trouvé ça ni mieux ni pire, j'ai trouvé ça juste différent, quoi. Et pour le coup, tu m'as parlé que de trucs chiants, quoi. C'est un jeu où il faut aller fouiller les archives d'un peuple mort, et puis t'as des pirates qui sont là. C'est ça le truc qui est cool, c'est que t'es pas obligé de le faire. Si t'es complétiste et si tu veux en savoir plus sur là où t'es, tu peux faire ça, mais sinon tu peux juste aller en ligne droite, je tire, je bute les monstres et voilà quoi. Et moi j'ai un peu moins de patience, donc quand j'ai refait le jeu, j'analysais moins les trucs et puis je connaissais l'histoire et tout ça. Mais à l'époque où je découvrais ça et où j'étais tout mon temps libre pouvait être adonné aux jeux vidéo, j'adorais passer du temps à lire l'histoire de lire l'histoire de Metroid en fait au travers du jeu, et c'était plutôt très bien. Mais la vraie question que tout le monde se pose, Val, est-ce que on se bagarre contre les pirates? Oui, à plusieurs moments, ouais. Très bien, ce jeu est génial. C'est du génie. C'est du génie. Pirates de l'espace, je tiens à m'excuser auprès de toute la communauté Metroid Premienne. Je vais réparer mon erreur de ce pas. S'il y a des pirates et qu'on se tape contre les pirates, c'est fantastique. Ah, franchement, surtout, si vous avez un lien affilié, je prends. Hein. Je soutiendrai l'émission comme ça. Et voilà, je. Merci ça montre la capacité de Nintendo à se renouveler, puisqu'on part quand même du Metroid de 86, ouais, qui est un jeu en 2D sur une console 8 bits, voilà, quoi. Même s'ils essayent d'apporter du scénario, etc., c'est quand même limité techniquement et en termes de construction. Et on en arrive à des FPS qui, en plus, ne sont pas juste des FPS bourrins ou des FPS compétitifs comme on a beaucoup aujourd'hui, mais des FPS scénarisés, et il y en a pas tant que ça, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Je vais faire une parenthèse d'ailleurs, juste vite fait, le gameplay de Metroid Prime était pensé aussi en fonction, c'est-à-dire que c'était pas comme un FPS classique où tu dirigeais la tête avec un stick et le corps avec l'autre stick. Là, c'était conçu pour la plateforme, donc les contrôles étaient un peu différents. Et c'était rare pour l'époque en fait. Et il y a vraiment, ouais, ils ont vraiment réussi à renouveler le concept et à transformer un jeu qui n'était pas un FPS du tout à la base. Et du coup, le 4 est toujours dans les tuyaux. Alors bon, après, avec Nintendo, les jeux, c'est comme le prochain F-Zero. Moi, je suis un gros fan de F-Zero, autant dire que ça fait partie des jeux que j'attends le plus, et je ne sais pas si je le verrai avant ma mort à cause du Covid-19. mais je me dis que si on a l'occasion d'avoir un quatrième Metroid sur la Switch, peut-être un jour, je serais en tout cas curieux d'y jouer. Ce sera un Metroid Prime, donc ce sera le même, en mode FPS et tout ça, donc moi je suis ravi, mais peut-être que voilà, les joueurs... Moi je suis moins client, mais alors pour être franc, le deuxième et le troisième, je les ai pas fait, surtout parce qu'à l'époque je jouais beaucoup moins, pour le coup. Donc si on me sort un Metroid 4, un Metroid Prime 4 aujourd'hui, je me ferai quand même le plaisir d'y jouer. Et pour le coup, ça peut être un Metroid 4 façon Metroid 3. On n'est pas forcément obligé d'être sur une licence Prime quand tu vois le retour Non, c'est Metroid Prime 4 qui a été annoncé. Donc ce sera forcément un Metroid Prime. Et d'ailleurs, ils ont rappelé le Retro Studio, qui est le studio des trois premiers épisodes. On ne peut pas en placer une. Non mais... Mais tu ne parles pas n'importe comment de Metroid, Matt, ça suffit maintenant. Vas-y, parce que... Non mais je sais que j'ai exactement la réponse qu'il te faut, mais vas-y, vas-y, continue, poursuis. Je voulais juste dire que les jeux de plateforme 2D, ils sont de retour à la mode avec New Super Mario, avec Wonder Boy, avec des trucs comme ça. Et que du coup, on peut faire aujourd'hui sur Switch des jeux un peu vus de côté, de qualité, et que c'est bien. Non mais ça suffit, monsieur. Et là, j'arrive sur la station spatiale abandonnée, et là, je vois quelqu'un en armure. Je dis, tiens, bah ça doit être Samus. Et il se retourne, enlève son casque, et c'était qui ? C'était Matt ! Il me dit, en 2D, ça serait mieux, tout ça. Je dis, putain, quel bordel ! Il a mal à la gorge, voilà. Le mec de l'homme torche vers ça. Ouais, bah, mais je peux pas faire ça tous les jours. On l'a pas bien reconnu. Vous allez muser. Je peux pinailler et terminer là-dessus. Alors, si tu pouvais ne pas te pinailler en public, ce serait un peu plus intéressant pour tout le monde. Non, juste pour en revenir, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais effectivement, c'est un Metroid Prime 4 qui a été annoncé, donc ce sera la même chose que les autres. Mais il y a eu un Metroid, alors c'était pas en 2D, mais c'était en 3D. C'est pas de la 3D isométrique, puisque voilà, maintenant on a des vrais jeux 3D, voilà. Mais t'avais un peu cet aspect-là avec Metroid Other M, sorti après les Metroid Prime, donc en 2010, qui est entre. Qui est une sorte de Super Metroid plus, quoi, où tu prends l'essence de Super Metroid et tu le mets en mode un peu 3D, vu du dessus, enfin voilà, en 3D, quoi. Et tu retrouves exactement les sensations de Super Metroid, mais en 3D. Moi, j'ai un peu moins kiffé, et notamment parce qu'il y avait une histoire, une vraie histoire avec une intrigue, des cinématiques et tout, où Samus parle, où tu l'entends, tu vois son histoire et tout, sauf qu'elle est tellement dépressive et un peu nunuche, en fait, que c'est un peu dommage de voir un personnage aussi badass traité un peu comme ça. Moi, ça m'a fait un peu chier. Mais après, c'est intéressant au moins à jeter un œil. Et pour vous notamment, je pense que si vous avez aimé Super Metroid, ça pourrait vous intéresser. Donc c'est Metroid Other M sorti sur Wii. Voilà. J'ai une question d'ailleurs, alors, qui du coup conduit peut-être à la réponse que tu viens de donner, Valentin. Mais j'en profite pour la poser à vous trois. J'ai une question à poser à la réponse qui vient d'être... Non. Peut-être, j'ai dit peut-être. Si un pauvre mortel, tel que moi par exemple, devait découvrir l'univers Metroid, il faut jouer à quel jeu ? Lequel ? On commence par lequel ? Ça va dépendre. En fait, Non. Tu me fais pas une réponse de ça dépend. Je veux une réponse, okay. Une vraie réponse. Je commence par lequel. J'achète lequel. À partir du moment où ils ont sorti Metroid Prime, enfin même un peu avant, mais du coup ils ont commencé à travailler sur la chronologie des Metroid. Donc c'est comme pour Zelda, en fait, c'est pas parce que tu vas sortir un jeu maintenant qu'il va se trouver chronologiquement à la fin de la chronologie de Samus, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Donc du coup tu as une vraie chronologie des jeux qui a été faite. Après, tu peux prendre, si t'as pas de numéro dans le jeu, donc Metroid Prime 2 par exemple ou Metroid Prime 3, tu peux prendre ça un peu dans n'importe quel ordre, sachant que tu peux commencer, la base c'est Metroid, ou alors le Metroid Zero Mission qui est un remake de Metroid. Ça, alors, je vous déconseille de commencer par le Metroid de NES. Voilà, exactement, je déconseille aussi parce que c'est peut-être celui qui a le plus vieilli, le moins, voilà. Par contre Zero Mission, ils ont mis un petit emballage autour avec des cinématiques et tout ça, donc bon, tu peux peut-être jouer à celui sur GBA Zéro Mission, donc qui est l'histoire du premier, en fait. Mais sinon, tu peux très bien jouer à Super Metroid qui te remet un contexte au début. Enfin, tu peux prendre un peu les jeux dans n'importe quel ordre. Moi, je recommanderais fortement ceux de la Game Boy Advance, notamment aussi Fusion. Ouais, du coup, elle a Fusion, une sorte d'armure un peu symbiotique, tout dernier, on va dire. Pour le coup. Chronologiquement, voilà, c'est la toute fin, mais c'est pas grave. Je vois que Valentin s'enflamme un peu dès qu'on parle de Metroid. Pardon, excusez-moi, pardon. Je me sens un peu menacé en disant que s'il va pas valider, il va me faire un procès et tout. À tout moment, il donc peut traverser l'écran et te péter. Ceux de la Game Boy Advance sont vraiment sympas. Sinon, si t'as une 3DS sous la main, le fameux Samus Return, moi je l'ai payé, je crois, genre 10 balles en solde dans un bac à solde chez Leclerc, tu vois. Alors, sous la main, non, mais je suis un influenceur, donc je vais contacter les services presse de Nintendo et puis je vais leur dire, écoutez, je vous fais un post Instagram. Je te file le 06 de Nintendo, si tu veux. Voilà, très bien. En tout cas, voilà, il y a moyen de découvrir ça. Puis aujourd'hui, effectivement, avec les consoles virtuelles et puis le piratage, il y a moyen de découvrir tous ces jeux-là assez facilement. Je pense qu'il n'y a que des bons jeux Metroid. Tu vois, genre Zelda, je te dirais, moi j'adore tous les Zelda, l'univers de Zelda, mais je pense qu'il y en a des plus ou moins bons. Faut qu'on se fasse un épisode Metroid... Zelda, absolument. Ouais, un jour aussi. Rendez-vous pour un épisode de 8 heures. Ah oui. Sur, mais Metroid, il n'y a pas de mauvais jeu Metroid, je pense. Donc du coup, tu peux commencer. C'est comme les situations, quoi. Ouais, mais moi je suis chaud pour faire un épode de Zelda Zelda aussi. Surtout que j'ai un tout peu de suite. Même... Allez, c'est parti. Alors Zelda. Non, mais pas tout de suite. Alors, parce que j'ai un peu le même cheminement avec les Zelda. Je préfère les Zelda en 3D et vous, je sais que vous préférez ceux en 2D. Non. Ah oui, bref. Évidemment. Bref, de toute façon, on peut plus rien dire ici. Donc on préfère les bons jeux, quoi. Et on peut plus rien dire, ouais, il paraît. C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Mais avant, je voulais vous proposer un petit quiz, une petite séance. Une petite séance ludique et d'amusement. Et dans quelques instants, on parlera des vieux sketchs et du fait qu'on peut plus rien dire aujourd'hui ou pas. Et vous allez voir, un avis parmi nous va vous surprendre. Restez avec nous, surtout ne zappez pas et pensez à faire vos courses via les liens affiliés, bien sûr. Du coup, je vais vous proposer de jouer à un jeu que j'ai vu dans un vieux sketch. Ça s'appelle « Vous connaissez-vous ?» Vous. En fait, c'est un quiz où en fait, ce sont des questions sur vous. Donc on va voir si vous avez les bonnes réponses. C'est largement inspiré d'un sketch de Alexandre Pell, Gad Elmaleh et Jamel Debbouze. Donc ça vous resitue un peu le contexte. Il va falloir répondre rapidement et donc un peu chacun son tour. Quel est l'ordre dans lequel vous répondez ? Qui répond en premier ? Chris. Ok, mais qui répond putain, je suis vraiment, je dois vraiment être méchant moi dans la vie. Qui répond en dernier? Chris. Chris, Yanda et Val. Attention. Première question, concentrez-vous. On commence avec du facile, hein, c'est quel âge avez-vous? Ben, j'ai 31 ans. 37. Bonsoir, je m'appelle Valentin, j'ai 29 ans, j'ai pas bu d'alcool depuis 2 minutes. Ils se connaissent. Quel est le prénom de votre maman? C'est super personnel, enfin. Bah ouais. Ma maman s'appelle Guylaine. Coucou maman, parce qu'elle écoute. Je sais qu'elle écoute les Staminaires. Coucou maman, je suis dans la radio. C'est moi. Marie-Pascale pour la mienne. Ah, Marie-Laure pour la mienne. Ah, et... on n'est pas loin du. Attention, hein, dans BVS, ça aurait fait un twist. C'est vrai. Et toi, tu réponds pas, du coup, Matt? Bah non, je pose des questions. D'accord. Quel est le petit nom que vous donnait cette maman quand vous étiez petit? Oh putain. Bah non, j'avais pas de nom particulier. C'était ma maman. C'est putain, ouais, voilà. C'est pareil. Bah non, je sais pas. Non, mais quel le petit nom que elle vous donnait? Ah. Bah oui. Il y a bien un lapinou, un truc comme ça, par exemple. Non, pas de truc comme ça. Alors mon frère, anecdote très drôle, mon frère pendant des années, elle s'est trompée. Petit... Ma mère se trompait de prénom. Non, ça c'est maintenant parce qu'elle vieillit. Mais mon frère quand il était petit n'arrivait pas à prononcer mon prénom et il m'appelait donc Tete quand il avait un an ou deux. Et donc pendant très longtemps, les gens continuent à m'appeler Tete. Qui n'a rien à voir avec Chris, quoi. Il n'y a rien, aucune lettre en commun, quoi. Tete. Non, mais parce que j'ai un vrai prénom qui est Théophile. Donc du coup. Faisons circuler des rumeurs bizarres dans cette émission. Du coup, voilà. Et pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il ait 4-5 ans, je pense qu'on m'a surnommé de temps en temps Tete. Voilà. Et bien, continuez à m'appeler comme ça me fera plaisir. Ouais. Tete de Xuxu. C'est un peu alien de la soupe aux choux, mais ok. C'était quoi ton petit nom, Yanda? C'est une bonne question. Je crois pas que. Enfin, ouais, ou en tout cas, il m'a pas marqué. Au foyer, on n'avait pas de nom, Matt, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, au CJD. On avait des numéros. Au CJD, quand on nous appelait, c'était le matricule, quoi. C'était pas. ouais, non, j'ai pas. Enfin, rien de marquant, quoi. J'ai pas de. Non. C'est triste. Vous connaissez pas si bien que ça, hein? Ouais, moi, c'est triste. Moi, c'était connard, moi. Ah ouais? Non, en vrai, c'est pareil, j'avais pas de. Non, non, Valentin, voilà, quoi. Quels sont les prénoms de vos enfants? mon chat s'appelle Zelda, justement, ça tombe bien. Matisse et Victoria. Et moi, c'est Théophile et Barnabé. Non, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Est-ce que c'est les noms que tu donnes à tes couilles, non? Ouais, exactement. Théophile Barnabé, on y va. Videz vos poches. Quel est ton podcast préféré? Bah, c'est les Stamineurs, évidemment. Bien sûr. D'où l'avantage de répondre en premier. Eh, c'est bien, tu te connais bien. Laissez-moi réfléchir, j'ai réfléchi, les Stamineurs. Moi, j'écoute que deux podcasts, l'apéro du Capitaine et Discorama, et je préfère plutôt l'apéro du Capitaine, même si là, depuis le confinement, je kiffe un peu moins, mais voilà. Et je ne réécoute pas les Stamineurs, puisqu'il y en a un des membres qui me fait particulièrement chier à la réécoute. Qui s'appelle Valentin, donc je ne réécoute pas les Stamineurs, malheureusement, alors que ça a l'air d'être très bien. Et alors justement, quel est ton rôle dans les Stamineurs? Moi, je suis le mec qui aime rien, vous arrêtez pas de le dire. Moi, je suis celui des placements de produits. C'est moi qui rappelle toujours les liens d'affiliation, les plateformes de sponsoring, voilà, le soutien, la communauté, c'est important. Ouais, je sais pas, moi, je suis celui qui picole et qui s'enflamme sur des sujets. Le fact-checker. Toi, t'es le mec qui fact-check. Mais oui, le fact-checker, oui, c'est vrai. Il connaît toutes les dates de tous les Metroid et tout. C'est vrai, je suis le fact-checker. Il est pas sorti en juin, il est sorti en juillet, ok. C'est ça, celui qu'on voit pas, mais quand on parle de Metroid, il lève la main, tu vois. Attention, ça va tomber, tu vois. Bah alors justement, puisqu'on parle de chiffres, c'est important, on va commencer par Valentin. Quels sont les trois derniers chiffres de ton numéro de carte vitale? Connaissez-vous, hein? T'es censé connaître ta propre life. Écoute, je regarde là si je peux... Non, je n'ai aucune idée de mes derniers chiffres de ma carte vitale. Ah bah bravo. C'est 814. De toute façon, tu pourras jamais aller vérifier, donc je sais pas pourquoi tu me demandes ça, tu peux pas vérifier. Donc du coup, je peux sortir trois chiffres. On va vérifier. Bah non. Si, c'est évident. Yanda. Moi, c'est 0,15 parce que comme la clé fait deux chiffres, je prends les trois chiffres d'avant. Très bien, on va rester sur les questions chiffrées. Quelle est votre pointure? 43. Alors, étant donné que j'ai travaillé dans les baskets, j'ai envie de te dire que ça dépend de la marque. Tu vois, j'oscille entre du 43 chez Nike et du 42 sur Puma en règle générale. Voilà. Donc, c'est 42, 43. Ça peut parfois aller jusqu'à 44. Dans le prochain numéro de Les Stamineurs, on vous raconte comment Yanda a vendu des baskets à crédit sur 20 ans. À un couple. À des gens qui n'avaient pas de jambes. Moi, je suis dans le 41, moi. Et c'est vrai que les tailles des chaussures, ça change. Si on prend des Caterpillar, elles sont toujours trop grandes. C'est... Voilà. Oui. Du coup, puisqu'on est dans les questions chiffrées, okay. Quelle est la taille? Les Timberland, c'est pareil. Arrête! Sur ma vie. Si le patron de Caterpillar écoute ce podcast, fais un effort, mec. Hein bah ouais, hein, prends. Ce serait sympa, quoi. Ta règle est cassée, ça fait 20 ans, merde. Puisqu'on est dans les questions chiffrées, quelle est la taille de votre zizi? 8 mètres. Ah, tu ne te connais pas si bien que ça, visiblement. Ah, c'est moi le deuxième, pardon. C'est moi le deuxième. Ouais, Yanda a fait le coup du problème de connexion. Non. À peu près. À peu près. Moi, c'est pi. Tu parles de cet Indien dans un bateau avec un tigre, non? C'est très méta. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Avez-vous des petites cuillères? C'est quoi cette question? Bah ouais. Sans vérifier, de mémoire, seulement de mémoire. J'ai des petites cuillères chez moi, effectivement. Ok. Ouais. Alors moi, j'en ai cuillères à café, on appelle ça types. En Alors attention, j'en ai deux types. Moi j'ai des cuillères et j'ai les cuillères à café qui sont plus petites que les cuillères. Ah bon? Donc j'ai les deux. Ah, un petit point vaisselle après les chaussures. Voilà. Et j'ai même encore une cuillère de baptême pour laquelle j'ai jamais été baptisé en argent, toute oxydée au fin fond d'un tiroir. Non mais je suis d'accord avec Yanda, si t'essayes de manger ton yaourt avec une petite cuillère pour tourner le sucre dans ton café, franchement tu vas galérer parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Elles sont toutes petites, c'est un enfer. Je sais pas, moi j'achète que des yop, comme ça je n'ai pas besoin de cuillère. Mais pour les enfants en bas âge, les cuillères à café, donc petite cuillère, c'est très bien parce que ça évite qu'ils en mettent partout. Ouais. Voilà, anecdote de parents. Hein, c'est podcast familial. On est. Dans le prochain épisode, on vous racontera l'intérêt du mazagran aussi. Et du talc. Mais ça c'est pour on dira comment faire du slime. Hein, avec du produit vaisselle, et puis après les gamins ont les mains brûlées au deuxième degré, c'est super. Val, t'as des petites cuillères? Ouais, évidemment, j'en ai des petites, des grandes, des moyennes. J'ai des petites cuillères avec des longs manches, des petites cuillères avec des petits manches, ouais. Je suis le roi de la petite cuillère. T'as les cuillères pour les pots de confiture, celles qui ont les longs manches et que tu peux, ouais, yes. Et voilà, exactement, oui. Exactement. Ah, le mec est équipé, t'as un trousseau en fait. J'ai un trousseau de petites cuillères. Non, on appelle ça des cuillères suisses d'ailleurs. Est-ce que tu peux me décrire ton personnage du Lamptorchverse? C'est un mec qui crie. C'est un mec qui crie, voilà. Ah, moi, il a des filtres, il utilise beaucoup de filtres. Dans sa voiture. Dans sa voiture, en règle générale, c'est vrai. Ouais, bah moi c'est merde si je m'étais préparé. Moi j'ai pas de personnage, hein. Par contre, bon, ah là là, j'ai failli réussir, c'est dommage. Il fait chier. Mais non, oui, moi c'est. Comment il s'appelle, ce con? C'est Patrus Balkanus, bien sûr. En quelle année as-tu rejoint lescomics.fr, un collectif de Oh youtubeurs où nous nous sommes fuck! rencontrés? En 2014, puisque j'ai lancé Comics Race en 2013 et qu'on a dû faire lescomics.fr l'année suivante, je pense. Donc c'était 2014. Tout à fait, c'est l'été 2014. Moi c'était en 2015 alors du coup, puisque je vous ai rejoint un an après. Le traître. Eh bien, ouais. Je pense que c'était 2015 aussi, je pense. Mais je c'est pourrais probable. Pas te dire le mois. Je ne pourrais pas te dire le mois. Vous y étiez youtubeur à l'époque? Puisqu'on s'est rencontré dirait, grâce à j'ai vous. J'ai l'impression d'être dans 7 à 8. Non, je fais ma transition. Écoute-moi bien, Nico Saliagas. Chris, ouais. Quelle est la première vidéo de ta chaîne YouTube, chronologiquement? La toute première vidéo que j'ai postée, ouais. C'est une vidéo sur Fantasque. Très bien, tu connais bien ta chaîne? Je sais ce que j'ai fait quand même, attends, tu me prends pour qui Yanda, c'est quoi la première vidéo de ta chaîne YouTube? La chaîne YouTube Comics. Ouais. C'est celle sur laquelle je suis allé chercher les infos il y a une heure, quoi. Ok, d'accord. Quelle préparation. De mémoire, c'est l'épisode pilote de Comics Hardcover. Et ça parle de Ça parle de Batman et Robin All-Star, de Frank Miller et de Justice League New 52. Putain, c'est pas mal. Et alors, yes. Ça va vous surprendre. Val, quelle est la première vidéo de ta chaîne YouTube? Ouais, alors, promis, je ne vais pas regarder là en direct, et j'ai un gros doute, parce que je ne crois pas que c'est un 2 minutes du peuple, il me semble que c'est la deuxième, celle-là. Je crois que c'est une vidéo sur Metroid Prime, et je me demande si c'est pas une bande-annonce sur Metroid Prime 3. Est-ce que c'est ça? C'est une vidéo sur Metroid Prime, mais du coup, j'ai pas... Il y a des images, il y a plein de trucs, mais il y a des logos DivX, Codec DivX, pour ouais. situer un peu. C'est ça. 100 000 vues, il y a 13 ans. Eh ouais, t'as vu un peu. Et alors justement, quelle est la vidéo la plus populaire de ta chaîne YouTube, Valentin? Ah putain, donc ça par contre c'est un 2 minutes du peuple. J'hésite te entre... connais-tu vraiment? Si tu te connais vraiment, tu le sais. J'hésite entre le restaurant et la première radio associative, et je dirais que c'est la première radio associative du coup. Eh bien c'est le restaurant. Ah putain. Qui est une de mes chroniques des 2 minutes du peuple préférées. Donc j'étais ravi de voir ta petite tête de Valentin à 16 ans refaire ce truc-là. Et c'est une vidéo, parce que là on arrête de rigoler 2 minutes, qui fait plus de 918 000 vues. Ouais, absolument. T'es presque à 1 million de vues avec ce truc-là. T'as vu. Bah, je suis à 10 millions, plus de 10 millions de vues sur ma chaîne en tout, ce qui est assez énorme pour quelqu'un qui fait des vidéos à 1500 vues actuellement. Se regressera. Comme quoi. ouais, laisse-le, j'assume. J'assume de ouf. Chris, c'est quoi la dernière vidéo la vidéo la plus populaire de ta chaîne? C'est celle où je parle du comics Chuck Norris, qui est donc un gros mytho puisqu'elle s'appelle le plus puissant des personnages de l'univers Marvel. Et parce que du coup c'est un comic Chuck Norris qui est paru chez Marvel, voilà. Et non. Forcément Chuck Norris est plus fort que tout le monde. Évidemment, tout le monde le sait. Voilà. Yanda, c'est quoi la vidéo la plus populaire de ta chaîne? Eh ben je sais pas. Je dirais peut-être celle sur la continuité avec DC Rebirth. Je sais pas. C'est celle sur Injustice. Ah ouais. Ah ben voilà. Jeux okay. vidéo tout ça. Comics et hardcover sur la BD Injustice. Ok. Et du coup, quelle est la meilleure vidéo de ta chaîne? C'est compliqué ça. La meilleure, c'est-à-dire celle qu'on préfère? Ouais, ou... pour d'accord. toi, quelle est la meilleure vidéo de ta chaîne? Celle qui n'est pas encore sortie. Ah putain, c'est trop dur ça. Mais moi je sais sur quoi elle est. Mais après dans les existantes, alors attends, dans les existantes, je vais chercher dans les existantes, je vais pas faire cette réponse que j'aime beaucoup au demeurant. Bah mais... Chris du coup, moi je réfléchis mais... Moi je suis quand même assez fier de ma vidéo sur les comics, enfin les super-héros sont-ils la nouvelle religion. Je trouve que c'est quand même un thème qui est pas dégueu, qui a pas été exploité ailleurs... Que je suis quand même pas mauvais quand j'écris des trucs, que je l'ai pas recopié sur Wikipédia. Donc, du coup, franchement, elle est pas mal. Val? T'as répondu Yanda, j'ai pas fait gaffe. Tu disais quoi du coup Yanda, t'as dit quoi? Il a dit la prochaine. Hein? Alors, la prochaine. Ah oui, la prochaine. La réponse okay. d'instant, oui, c'est celle qui est pas encore sortie. Mais ouais, voilà. Si après, je devais en choisir une parmi les existants. Je dirais celle sur la continuité parce qu'elle est quand même assez riche en termes de contenu et je crois que j'arrive à rester suffisamment clair et compréhensible Et en tout cas, sur les retours que j'en avais eu, les gens arrivaient à bien resituer le truc et c'était clair. C'était l'objectif. Donc sur ça, c'était cool. Moi, je fais tellement de trucs différents que c'est trop dur de choisir, en fait. J'aime beaucoup... j'avais fait un mash-up sur les films des Wachowski. Non, non, non, c'est pas ce que je te demande. Je te demande laquelle est ta préférée. Et si ouais. tu te connais vraiment, tu dois le savoir. Ah bon ? Ah bah oui. Oui, non mais ah bon. Bien sûr, oui, mais toi t'as pas... Mais qui suis-je ? On m'a pas dit. Mais qui suis-je ? Tu dis genre que t'as la, ça fait genre que t'as j'ai la réponse. J'ai jamais dit que j'avais les réponses. Oui, j'ai, voilà, c'est ça. J'ai validé aucune de vos réponses. Et ben, mais moi, je n'en ai... sincèrement, je ne sais pas, peut-être W, du coup, ouais, donc ce mash-up sur les films des Wachowski. Mais c'est dur, il y a le Cinéma Shop 4 que j'aime beaucoup aussi. Mais le W, c'est une vidéo que je peux, moi, regarder, contrairement au Cinéma Shop 4 où je vais pas moi de moi-même aller la regarder, tu vois, ou en tout cas pas sobre. Il ne reste que deux questions et ce sont les deux questions les plus importantes. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? Moi, il paraît que j'aime rien, alors j'aime, tu sais ce que j'aime, j'aime, j'allais dire j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, mais je dirais plutôt... j'ai la ref de cette chanson. Oui, tes bah, gestes c'est, de en façon, j'ai envie de te dire que comme toutes les références de ce podcast ne concernent que des gens qui ont au moins 30 ans, tu as forcément la ref, puisque c'est quand même un podcast de vieux ce soir, hein, genre, entre 24, la Super Nintendo, et puis voilà. Non, en vrai, j'aime le fait que tu sois franc, Matt, je te le dis, voilà, j'aime ta franchise. Voilà, c'était très sérieux comme réponse, c'est décevant. C'est vraiment une question piège parce que je déteste les compliments. Mais alors, le premier truc qui m'était venu, c'était la franchise aussi, mais du coup, je vais trouver autre chose. Ah oui, vous avez choisi de ne pas être d'accord, en fait. Ce soir, c'est le moment où on... Ah non, non, si, je suis complètement d'accord avec ça, et c'était le premier truc qui m'est venu. J'aime bien chez toi... Bien que ça soit... Non, tu mens. Non, je sens que tu mens. Tu baratines, là. Là, tu veux me vendre un truc. C'est un défaut, mais... non. J'aime beaucoup ton canapé. En fait, ce que j'aime chez toi, c'est ta capacité continue à te remettre en question. Bien que ça ne soit pas forcément toujours une bonne chose pour toi, parce que ça va te faire douter, etc., alors que tu devrais pas forcément, mais tu as cette capacité-là qui n'est pas donnée à tout le monde et que j'apprécie. C'est vrai. Voilà. Eh bien, quitte à continuer dans cette masturbation commune, ce que j'aime chez toi, c'est ta confiance en moi. Comme ça, je retourne le truc sur ma personne. Bim. Dernière question, peut-être la plus, celle qui décidera du ton de la fin de ce podcast. Quel est le membre de l'Estaminer que tu aimes le moins? Trop bien. Qui répond? On reprend le rôle. Parce que comme tu as changé parfois le sens de réponse, je ne sais plus qui doit répondre. Non, bah c'est oui, j'ai changé. Ah bon, j'ai changé pour faire la transition de Val, en fait, deux fois. Parce que du coup, ça enchaînait Metroid Prime et les 2 minutes du peuple avec son audience scandaleuse. Et puis. Ah oui, en plus, si ce questionnaire a été écrit, alors là, vraiment, bon. Oui, c'est écrit, évidemment, tout est écrit. Écoute, moi, on va tous pouvoir faire la même. Moi, c'est Chris que j'aime le moins parce qu'il aime rien. Donc, il n'aime pas sa propre participation à cette émission. Moi, je subis cette émission depuis maintenant 6 épisodes. Vraiment, c'est un calvaire, quoi. Est-ce que cette émission qui est à ton initiative? C'est ton idée. Non, c'est pas vrai. Arrête de me mettre tout sur le dos comme ça. Ça suffit. Arrêtez. J'y suis pour rien. Moi, c'est Yanda parce que c'est la minorité. J'aime pas les minorités. Yanda, il y a quelqu'un qui est en train de rentrer discrètement derrière toi. J'osais pas dire non plus, mais oui. Comment vient, non, mais elle, ouais, elle mais c'est clair. On va tous dire la même chose. Bruit. Moi, c'est... Pardon, tu disais ? Non, je disais, la personne est rentrée à pas feutrer pour ne pas faire de bruit, vous ne l'avez pas entendu. Et... Mais ouais, moi, bah, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas m'écouter, donc c'est ça, moi, celui que j'aime le moins, c'est effectivement, c'est Valentin. Ouais. Quel connard, celui-là. Eh bien voilà, je t'invite à retrouver le sketch original, évidemment, si vous aimez Jamel Debbouze. Si vous aimez rire, hein, parce que là, c'est... Si vous aimez Lolé. J'ai pas posé les questions du sketch original parce que c'était quelle est votre adresse, des trucs comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, on allait avoir que des mauvaises réponses. Les gens vont dire, ah bah je ne sais plus, je comprends pas. Donc, non, il a fallu qu'on repasse à autre chose. Et justement, cette transition habile était une façon d'utiliser un vieux sketch pour relancer cet éternel débat sur les vieux sketchs. Tu vois un peu le... Et en même temps, ça permettait aux gens qui ne nous connaissaient pas tout à fait bien avant, peut-être, de, peut-être en savoir plus sur nous. Toi, on sait par exemple que Yanda est assez précis sur les cuillères, que c'est un truc qui est complètement rigolo. Écoute, Yanda, c'est Metroid, moi, c'est les cuillères. Voilà, arrivé un moment, les vrais sujets chacun, de la vraie vie, chacun son délire, tu vois. Sur une île déserte, sans courant, hein, ça se... Qu'est-ce que tu fais avec ton Metroid ? On ne sait pas. Tandis qu'avec une cuillère ou une cuillère à café, tu creuses un trou plus ou moins vite. Attends, tu peux te fabriquer un abri ? Ouais. Ouais, à flanc de colline, dans la terre, voilà. Comme ça, tac, tac. Sans soucier tes ongles. Ah, et viens, on va parler tous les deux, on a plein de trucs à se raconter. Est-ce qu'on peut revenir au thème principal de cette émission, s'il vous plaît, parce que... On peut plus rien dire, franchement, c'est n'importe quoi. C'est ça, voilà. On est là, on peut plus rien dire. Comment c'est venu ? Vous avez revu Deconé Garcia, c'est ça ? Ouais, moi ça m'est revenu en voyant, il y a eu une rediff sur C8, je crois, de Deconé Garcia, et en zappant, je suis tombé sur ses sketchs et je me suis dit, waouh, mais impossible de faire ça aujourd'hui. Oh. Impossible. Mais pourquoi ? Parce que c'est quand même un petit peu... par exemple, il y a un sketch où il y a un... Alors, je sais plus d'ailleurs qui est déguisé en asiatique. Je sais plus si c'est Garcia ou s'il y a un autre mec qui est déguisé en asiatique. C'est Garcia, ouais. Ouais, c'est Garcia. Ouais, et c'est vrai que là, aujourd'hui, si tu fais ça, c'est un scandale. Alors attention, hein, on va avoir l'occasion d'en débattre un peu. Ils sont face aux inconnus. Et du coup, ils ont fait eux aussi les inconnus. Et ils expliquent que comme ils n'ont pas trouvé de noir, ils ont pris un asiate. Exactement. Et du coup, ça ne passerait jamais. Aujourd'hui, déjà, on se plaint des accents asiatiques, à juste titre d'ailleurs, qui sont souvent un peu ridicules dans les doublages, où tout le monde n'a pas d'accent, sauf l'asiatique de service qui parle comme ça, on ne sait pas pourquoi. Tu nous as quand même fait. ouais, dit non, mais c'est un scandale, c'est l'accent asiatique, mais tu l'as quand même fait. Oui, bah, c'est pour vous expliquer à quoi ressemble l'accent du personnage. Enfin, évidemment, c'est pas pour le valider. Oh, écoutez, bon, je pars, moi, je quitte ce podcast. J'ai eu l'exemple de quelqu'un d'autre ici qui fait très bien l'accent asiatique, mais je vais pas le dénoncer. C'est pas moi. C'est un de vous trois, parce que déjà c'est pas moi. On peut m'éliminer, donc. Je me suis dit qu'aujourd'hui ça ne passerait absolument pas. Et même des blagues qui sont. Alors évidemment, faite déjà à l'époque sur un degré qui n'est pas du tout premier, mais qui serait quand même assez mal perçu, je pense, pas forcément par le grand public, mais par les gens qui sont engagés dans diverses causes aujourd'hui. Et c'est aussi valable pour les inconnus qui font généralement, c'est pareil, où tu vas avoir un personnage qui fait l'accent africain, un personnage qui fait l'accent asiatique, etc. Avec tous les clichés que ça comporte. Qui sont des clichés qu'on estimera datés, hein, mais qui nous faisaient rire à l'époque. N'ayons pas peur non plus, il faut aussi être franc. Moi, quand j'étais gamin, je voyais ça, ça me faisait rigoler. Mais voilà. Côté, là, on est sur, on peut plus rien dire. À tort ou à raison ? Est-ce que c'est bien qu'on se censure autant, ou est-ce qu'il faudrait qu'on puisse de nouveau, être outrancier ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. En fait, je pense que le problème, c'est qu'on a tendance à confondre le fond et la forme. C'est-à-dire que on a tendance à croire que si tu fais une blague sur les femmes, par exemple, c'est nécessairement que dans la vie, tu es quelqu'un de sexiste au premier degré. Et je pense que tu peux rire d'un cliché en ayant conscience que c'est un cliché. Et donc, à partir de là, tu ne ris pas... Tu n'as pas un humour qui est sexiste, tu ne ris pas des femmes, tu ris du cliché, tu vois ce que je veux dire ? Tu peux rire d'un cliché raciste, et ça ne fait pas de toi un raciste. Alors que te moquer volontairement de quelqu'un à cause de, enfin, en raison de son ethnie, de ses origines, je sais pas comment tu peux, voilà, peu importe. À partir de là, là c'est du racisme. Mais si tu ris d'un cliché raciste, je pense que ce n'est pas du racisme. Voilà, mais c'est une nuance qui est assez complexe et qui effectivement, forcément, c'est des sujets qui sont un peu sensibles et qui enflamment rapidement les gens. Donc, évidemment, entre le moment où tu fais cette blague et le moment où il y a une pluie de tweets vénères contre toi, tu n'as même pas le temps d'essayer d'expliquer la chose. Et il y a des gens qui, de toute façon, ne voudront jamais l'entendre. Mais, ouais. Après, effectivement, c'est un peu comme quand on dit qu'il faut dissocier l'homme de l'artiste, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que le mec dans la vraie vie est un vrai pur raciste? Et qui fait des blagues racistes parce que il aime bien faire des blagues racistes et qu'il est vraiment raciste, ou Est-ce que, évidemment, on doit comprendre qu'il ride ce cliché sans y croire et sans l'entretenir ? D'autres diront qu'en rire, c'est déjà l'entretenir. C'est une très vaste question. En même temps, voilà. On va se faire défoncer dans les commentaires pour parler de ça, puisqu'on est entre mecs, blancs, hétéros. Donc, on va tous se détendre. Alors, complètement. Blanc, pas tout le monde. Hein. Du coup, Yanda, on parle de toi, tu vas reprendre la parole ? Ouais. Oula, bah voilà. Tu vois, ça y est. C'est la censure, la censure arrive. Ouais, exactement. Ça, c'est à cause des gaz qui sont. On peut plus rien dire ici. Hein. Qui nous empoisonnent et de la 5G, ça c'est sûr. C'est la 5G. Tu vois, on peut plus rien dire, mais ça, des conneries pareilles, on peut continuer à les balancer, ça pose pas de problème. C'est pas grave. Après, il y a aussi je crois. Qu'il y a une notion au-delà de la notion alors ça va être mon moment intello un peu chiant je crois qu'il y a une notion au-delà de générationnelle et effectivement des mœurs qui ont évolué et de la sensibilité qui est un petit peu plus exacerbée chez les gens aujourd'hui. Je crois qu'il y a aussi une notion qui est chère à notre cher joueur du grenier, qui est une notion de contexte qui a évolué. Et le contexte, ouais, si vous avez la vanne, elle est un peu, allez, ouais, c'est tendu. Mais si vous êtes sur Twitter, vous avez la vanne. Du coup, le contexte a quand même évolué. Et effectivement, je pense que une bonne partie des sketchs et des vannes clichés, qui s'appuyaient en tout cas sur des clichés, mais vraiment de façon caricaturale et forte des années 90, à peu près, aujourd'hui tu pourrais pas les refaire. Et dans l'absolu, c'est pas quelque chose que je trouve mal en soi, mais plus de par les réactions que ça engendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as conscience. Tu peux pas dire ouais, je savais pas, tu vois. Par exemple, je peux comprendre et je peux entendre que quand tu fais une vanne sur un truc un peu sensible, tu vois, je repense à l'histoire de c'était Team Seat. Qui avait eu les crevettes. Avec les crevettes, les crevettes. C'est d'ailleurs et sûrement et l'une des premières polémiques autour d'un sketch. C'est ça. Enfin, moi, en tant que gamin, c'est un des premiers trucs que je me souviens où là, on a commencé à dire, attends, en fait, ça c'est peut-être pas marrant. Quoi. Et en plus, c'est ça. Et en plus, alors, là pour le coup, on n'est pas sur un truc qui s'est passé effectivement l'année dernière. Ça commence à remonter un petit peu. Mais et il comparait juste, il faisait l'amalgame entre les trisomiques et des crevettes. Ouais. Mais en fait, il reprenait une blague parce que c'est une blague qui est relativement classique. Ouais, une blague on va populaire, dire. C'est un truc, voilà, c'est ça, une blague populaire, merci. Une blague de réveillon. Et, ouais, c'est ça, c'est la blague de l'oncle bourré. Et il la reprend dans un de ses sketchs et il la place. Et effectivement, tu te dis, waouh, c'est un peu violent. Je peux entendre que ça soit effectivement violent. Alors certes, ça vient du coup entraver un peu la démarche artistique à proprement parler. Mais je pense que c'est important aujourd'hui, en ayant conscience de cette possibilité de choquer une certaine partie, voilà, il y a une certaine aussi mesure à avoir en tant qu'artiste. Et que, alors après, si tu l'assumes complètement, bah vas-y, mais tu sais que tu vas t'exposer à quelque chose. Ce qui pour moi est un peu hypocrite, c'est justement ce qu'on faisait en déconnant et ce qu'on a fait un peu en déconnant à certains moments du podcast, c'est-à-dire que tu vas sortir un truc un peu hard et puis là tu dis mais de toute façon on peut plus rien dire. Non, tu sais très bien aujourd'hui que si tu sors un truc un peu touchy, tu vas te prendre un retour de vague. Et si tu l'assumes complètement, et il y a des artistes qui l'assument complètement. Cette notion de touchy, elle est quand même hyper compliquée aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que quand tu vois les extrêmes d'où on vient. Et les trucs outranciers, genre tout le monde cite comme exemple le Royal Rabbin des Nuls. Moi, le sketch des Nuls auquel je pense, c'est celui où Alain Chabat est déguisé en Adolf Hitler et où il explique que avec tout ce qu'il a fait dans les camps de concentration, personne le croit. Ah, si seulement il avait eu un caméscope Hitachi pour filmer ça. Et du coup, évidemment, tu refais pas ça aujourd'hui. Et pourtant, je mets au défi n'importe qui d'expliquer que Alain Chabat est un révisionniste, hein, ou même un partisan des idées du nazisme. Et à côté de ça, comment il s'appelle ? Putain, Michel Leeb, ouais. C'est ça ? Ouais. ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Et du coup, il y a, en fait, c'est la subtilité du truc qui fait que. Mais moi, je revendique. Alors... le fait de Valentin n'est pas du tout sur cette ligne là et moi ça me dérange. Tu as envie de faire des blagues qui ne choquent pas ton auditoire et moi je revendique de ruer un peu dans les brancards et de pouvoir faire des c'est trucs pas parce que, c'est qui... pas parce que moi j'aime pas en faire que je n'aime pas en voir par contre. Ouais. Voilà. Mais vas-y. C'est un peu comme le sexe, quoi. C'est exactement ça. Non, vas-y, finis, Matt. Mais je vais intervenir après. J'ai aussi l'impression qu'on s'est refermé de plus en plus sur nous et sur des petites communautés et que donc on tolère de moins en moins l'autre. Et tu tolères de moins en moins d'avoir. Que tu tolères de moins en moins qu'un hétéro ait un avis sur les autres sexualités. Tu tolères de moins en moins qu'un mec blanc. Puisse faire des blagues sur une communauté ou une autre quoi. Et de la même façon tu t'as l'air pas qu'une communauté fasse des blagues sur toi. Alors, et ça, j'ai un exemple je pense qu'on a besoin de secouer un peu les choses pour sortir de sa zone de confort. J'ai un exemple personnel. Une anecdote tu veux dire? Ouais, non, enfin c'est vraiment un exemple. En fait, le fait qu'on se moque de toi ouvertement aussi parfois c'est une preuve d'intégration. C'est à dire que ça peut paraître bizarre dit comme ça, il y a peut-être des gens qui le comprendront pas, mais quand tout le monde accepte qu'on se moque de quelqu'un et que la personne dont on se moque rit aussi, bah ça veut dire que finalement l'ambiance est bonne et que tout le monde a accepté et qu'en échange on te le rendra. J'ai un nom qui a une consonance des pays de l'Est, n'est-ce pas ? Et on me fait souvent des blagues sur... alors ça peut être des jeux de mots de merde, voilà, si j'avais eu 5 centimes dès qu'on m'a fait un jeu de mots de merde sur mon nom, je roulerais en Porsche. Et je passe les blagues à base de plombier polonais, de voleur de poules, de mec qui fait les parcs-mètres, je suis la première à les faire. Mais ce que j'aime bien répondre pour mettre les gens mal à l'aise, c'est que si j'avais un nom à consonance... arabe, africaine, j'en sais rien, je sais pas, enfin, tu vois, un nom qui sent un peu plus le sud que l'est, on n'oserait pas me les faire. Parce que, clairement, socialement, d'un point de vue, sur des tas de niveaux, ça passe pas. Tu peux te moquer, tu peux dire, oh bah dis donc lui, avec son nom, Stagnanski, là, dis donc lui, on comprend pas bien son nom, hein, le mec de l'Est, là. Et là, ça passe. Et personne te dit, mais dis donc, c'est drôlement raciste. Alors que si t'es, je sais pas, si t'es marocain et que ton nom sonne marocain, eh ben, on fait moins de blagues parce que on sait que ça va, tu vois, générer un petit malaise où on va dire c'est un peu raciste. C'est-à-dire qu'on va pas traiter. Et pourtant, si tu prends sur la base, pour moi, discriminer quelqu'un parce qu'il est originaire des pays de l'Est ou du nord de l'Europe ou j'en sais rien de l'Amérique du Sud, enfin tu vois ce que je veux dire, si t'as un nom à consonance portugaise, espagnole, j'en sais rien, enfin c'est pas moins de la discrimination que si t'as un nom à consonance asiatique ou enfin voilà, peut-être qu'il y en a qui m'expliqueront que c'est pas le cas, mais pour moi c'est soit tu te moques, soit tu peux te moquer du nom de tout le monde, soit tu peux te moquer du nom de personne, mais il doit pas y avoir de différence. Et moi j'ai toujours pris ça comme un exemple d'intégration, si je puis dire. Moi j'ai pas eu à m'intégrer, hein. Je suis un homme blanc né en France, effectivement j'ai pas trop lutté pour m'intégrer dans la société, je vais pas faire le mec, mais d'un autre côté, le fait que tout le monde puisse se moquer de mon nom potentiellement, je me dis bah en fait ça va, c'est que l'ambiance est bonne quoi, c'est qu'il y a pas de gêne, c'est qu'il y a pas de, donc je comprends que ça puisse déranger les gens et qu'il y a des gens qui, mais c'est comme celui qui s'appelle Monsieur Connard ou Madame Salope, hein, je veux dire ça doit être des épreuves de la vie des fois un peu dures à traverser, mais d'un autre côté quand tout le monde, si toi-même tu rentres un peu dans le jeu et tu as du répondant, je pense que c'est pas forcément pire que s'il y a une sorte de tabou monstrueux en disant ah non, ça on peut vraiment pas rire. Alors là, on peut rire des noms polonais, mais alors il y a des noms, genre le mec, si je sais pas, il est vietnamien, on peut vraiment pas rire de son nom. Et je trouve que du coup, ça crée un clivage qui est effectivement, enfin, c'est après voilà, hein, c'est une question qui est très complexe. Mais du coup, t'es obligé d'avoir de l'autodérision dans ce que tu dis. Complètement. Ouais, mais tout mais le monde en même temps en dans pas... la vie, t'es tout le monde n'en est pas capable. Alors c'est peut-être une qualité qu'il faudrait développer. Tout le monde n'en a pas. Non, mais enfin, tu peux pas non plus reprocher à quelqu'un de ne pas d'être con. Non, mais de ne pas apprécier la moquerie justement. Non, tu mais d'accord, je suis d'accord, mais à ce moment-là, t'es toujours obligé d'avoir un peu d'auto. Je pense que dans la vie, c'est important. En fait, le principe de l'autodérision, c'est quand c'est toi-même qui te l'a fait. Pas forcément, c'est accepter aussi qu'on puisse rire de toi, et en échange, tu pourras rire des autres. Et je pense que ça détendrait pas mal de situations très tendues où les gens n'acceptent aucune critique et aussi n'osent plus émettre aucune critique parce que si tu critiques quelqu'un, tu sais qu'à l'inverse, tu vas générer une shitstorm incontrôlable. Enfin voilà, je pense que tout le monde prend un petit peu tout trop au sérieux finalement parfois. À partir du moment où il n'y a pas de menace, où personne n'est mis en danger, moquerie reste une moquerie. C'est toujours ça qui est compliqué, notamment avec avec l'arrivée de Twitter et tout ça. Je parle de moquerie et pas de harcèlement de masse. C'est là où je veux en venir. Pour ça que je dis ça, je sais où tu vas. Donc. Je savais qu'on allait parler de ça ce soir, donc j'ai un avis assez précis sur la question que je vais pas réussir à développer aussi bien que je veux le dire. Bon, bref. Déjà, j'ai pas de réponse à cette question parce que c'est une question hyper complexe et tout. Néanmoins, il y a toujours ce problème-là de qui énonce la vanne ou la moquerie et effectivement, comme disait Yanda, dans quel contexte. Et il faut vraiment prendre les deux en même temps à chaque fois qu'on entend une blague ou un truc comme ça. Tim Seat, en fait, il s'est défendu comme ça. Il a dit « Moi, ce sketch a fait scandale, j'entends bien. Par contre, je suis sur scène, c'est un personnage. Je joue un personnage, donc forcément, je ne peux pas penser des ignominies pareilles. » Et ça, il l'a dit dans des interviews, mais il l'a aussi dit sur scène. Donc du coup, c'est quand qu'il est le personnage? C'est quand il fait la vanne ou quand il se défend de faire la vanne? Alors, pour voir à peu près qui est le gars, je pense que sincèrement, il a fait cette blague populaire-là et qu'il pense pas du tout ce qu'il dit. Et je suis... Je pense que c'est ça. Par contre, il y a d'autres humoristes, et là, c'est parti, on va avoir plein de commentaires dans quelques instants. Il y a vraiment des gens qui laissent des commentaires sous ce podcast, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu non plus. Il y a un autre humoriste... On a très peu d'étoiles aussi, mettez les étoiles. Un autre humoriste où c'est compliqué de comprendre si c'est un personnage ou pas, c'est Monsieur Dieudonné, qui a aussi eu cette défense-là, en mode « je fais un personnage ». Il l'a dit dans un sketch où il se donne des accents en mode « je suis un personnage », il le fait avec l'accent québécois, il fait « enlève-moi cet accent tout de suite, je suis le personnage, j'aime pas ça » et tout machin. Et donc il se défend pareil en disant « non, mais moi quand je fais des vannes, c'est « je suis un personnage, je les pense pas ». Sauf que Dieudonné, on a quand même une certaine certitude quant à ses idées politiques et ses convictions. Donc à partir de quel moment tu es vraiment un personnage, à partir de quel moment tu te sers d'un personnage pour dire ce que tu veux vraiment dire, notamment des idées nauséabondes. Dans un autre style, il y a Laurent Gérard qui se moque des rappeurs, notamment, et c'est encore plus flagrant que c'est un personnage puisqu'il fait des imitations. Mais c'est difficile de ne pas se dire que Laurent Gérard ne pense pas ce qu'il dit. Quand il dit qu'il n'aime pas la fête de la musique, quand il dit qu'il n'aime pas les rappeurs, quand il dit que... Il y a des gens qui aiment la fête de la musique. Donc... Laissez un commentaire si vous aimez la fête de la musique. et donc tout ça pour dire que cette histoire de personnage est très compliquée et que du coup, quand tu ne connais pas la personne qui va te raconter la vanne, c'est toujours très compliqué de réagir et de se dire est-ce qu'il est pas sérieux en fait. C'est-à-dire que nous on vanne entre nous, on va même s'auto-censurer quand on fait le podcast, on ne dit pas les mêmes vannes entre nous que pendant le podcast, parce qu'on sait que... Parce qu'on aurait des problèmes. Ouais, parce qu'on aurait des problèmes, parce que des gens peuvent mal le prendre et qu'on n'a pas envie de ça non plus. Et donc, du coup, forcément, on oriente nos propos par rapport à notre auditoire, ce qui est très bien. Je suis pas d'accord avec toi sur un point précis. Les gens vont mal le prendre et on voudrait pas que ça arrive. En l'occurrence, non, on voudrait pas qu'ils nous cassent les couilles. On s'en fout que vous soyez vexé, mais vous vous emmerdez pas, quoi. Ouais, là, vous êtes vexé, mais vous restez dans le silence, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, effectivement, on n'est pas d'accord là-dessus. C'est comme tu me parlais tout à l'heure de que je n'aime pas faire de l'humour provocant, on va dire comme ça. Et effectivement, moi, je n'aime pas en faire. Par contre, j'aime beaucoup en écouter. Et voilà. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Juste pour répondre, j'en profite que tu aies perdu ton fil. Effectivement, quand je parle d'autodérision, de fait d'accepter les vannes, etc., évidemment, on n'est pas dans le cadre où c'est un inconnu qui te dit ça dans la rue. On est dans un cadre amical, professionnel à la limite, où tu connais tes collègues, etc. C'est des gens dont effectivement tu peux connaître les idées et donc tu sais effectivement, parce que t'es dans un certain contexte, que ce sont des vannes. Nous sommes d'accord. Évidemment, si un mec dans la rue te fait ce genre de blague, tu peux considérer que c'est un peu plus dur de cadrer et de comprendre le fond de tout ça. Évidemment, évidemment. Je parle dans un cadre, pas dans un cadre public, dans le sens grand public. Voilà. Et donc c'est pas, c'est voilà. Et donc du coup, c'est pas le fait qu'on peut plus rien dire. C'est juste que faut faire gaffe à quand. Enfin, tu vas pas faire une blague n'importe quelle vanne à un enterrement. Par exemple, parce que bah voilà, la situation fait que non mais c'est un exemple par l'absurde, c'est que c'est pas que tu peux plus rien dire, c'est que dans selon le contexte, effectivement tu n'es pas permis de tout dire parce que bah t'as un minimum de bienséance, de politesse, etc. quoi. Mais c'est le message en fait qui est important dans la façon dont tu... Est-ce que tu choisis de faire passer ton message de façon douce ou de façon provocante pour générer une réaction et, on l'espère, une réflexion ? Tu vois, quand Patrick Balkany fait Grammery, par exemple, c'est juste qu'il n'y a rien derrière. C'est juste une pauvre blague raciste d'un pauvre mec, quoi. Enfin, c'est... Parce que on a la pas... personne, on voit qui c'est, du coup, effectivement. Pauvre, excuse-moi, permets-moi d'endoucer, je dirais pas que c'est un pauvre mec. Bon, voilà. Je suis d'accord avec le point que tu soulèves, Matt. J'y venais, justement, en plus, j'allais aborder ça. Je pense que ce qui aussi, en tout cas pour moi, est important et va venir... pondérer un peu le degré de subversif d'un humour, c'est le message qu'il peut y avoir derrière et la façon dont, alors de un, tu vas recevoir ce message et la réflexion que ça va engendrer sur toi. Je trouve qu'il y a dans tout un tas de la nouvelle vague, entre guillemets, d'humoristes, dont certains que j'apprécie beaucoup, des gens qui manient ça très bien et qui sont parfois très très hard, des gens comme Ferrari, Haroun, moi, j'aime beaucoup. Comme Jérémy Ferrari qui est... Oui, voilà, aussi. Il y a des gens, moi, il y en a trois là qui me viennent en tête, c'est Haroun, Jason Brokers et Fari, qui sont très très bons là-dedans. Fari qui fait son discours au Molière et qui arrive en prenant le micro, qui fait « Salut les Blancs !» Boum, voilà, tout de suite. Et c'est quelque chose qui... Et quand même, enfin, faut déjà lui, il faut oser le lancer devant l'assemblée de l'académie. Voilà, c'est quand même quelque chose. Mais je trouve que aussi subversif que ça puisse être, ça amène tout un message derrière qu'il appuie après derrière dans avec son texte, mais qui rend la chose très intéressante. C'est hyper touchy. Alors c'est quelque chose de beaucoup moins, on va dire, violent entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, mais c'est très bousculant comme discours. Mais je trouve ça très intéressant, aussi violent que ça puisse être, parce que ça amène une réflexion. Il y a un message derrière. Effectivement, un humour gratuit, pour reprendre l'image que j'avais tout à l'heure, la vanne beauf raciste de ton tonton bourré du 31, elle a aucun intérêt. Et même si tu viens t'en cacher derrière le personnage en disant c'est pas moi, j'étais bourré, non, quelque part c'est que c'est ressorti et c'est que voilà. Et pareil pour un humoriste qui va jouer la carte du personnage. Effectivement, pour moi, la carte du personnage, c'est un peu une fausse excuse, c'est en tout cas l'échappatoire facile de se dire c'est pas moi, c'est un peu le c'est pas moi, c'est l'autre, quoi. Et du coup, il y a une certaine forme d'hypocrisie que je trouve on trouve moins auprès notamment d'une nouvelle vague d'humoristes qui assume complètement ce côté, mais parce que derrière c'est pas gratuit, il y a un message qui est amené et c'est d'autant plus intéressant quand c'est fait cette façon là et ça permet de dire en tout cas alors plus de choses. Alors que cette excuse du personnage, on la retrouve de plus en plus chez des pseudo-personnalités sur Internet, où là les mecs vont dire non mais c'est un personnage. Bon, sauf que le gars il est filmé chez lui, habillé normalement, devant son ordinateur, et il va te parler de la pluie et du beau temps, puis d'un coup il va te faire une vieille vanne raciste, puis après il va faire, voilà, il va te dire qu'il a été faire ses courses. Donc du coup là on n'est pas dans le cadre d'un sketch. Un sketch où effectivement, où tu vas pouvoir mettre un timer, dire le sketch dure 5 minutes, et le mec pendant 5 minutes te parle avec un ton un peu spécial, ou je sais pas, il met un chapeau, j'en sais rien, bref, tu vois qu'il s'est démarqué. Il s'est grimé, voilà, il a une fausse moustache. Bon, si tu veux, tu peux considérer qu'effectivement, le temps de ce sketch, il joue un personnage qui dit peut-être des choses horribles. Encore une fois, effectivement, le fond fait tout. C'est-à-dire que dire des choses horribles pour dire des choses horribles, voilà, ça ne pousse pas vraiment à la réflexion, donc on est bien d'accord que moi je pense qu'il y a, doit pas y avoir de censure à proprement parler, parce que souvent c'est pire et que ça donne raison à ceux qui sont censurés, mais c'est le fond, et en fait le fond, on est juste capable, c'est l'éducation quoi qui va faire si tu es capable ou pas de déceler le fond et de comprendre le fond. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et après, bah voilà quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément tous la même appréciation en fonction de notre parcours, de nos connaissances et de tout ça. Je me demande s'il n'y a pas un côté un peu faux-cul dans ces trucs-là, parce que tu vois, on ricane tous sur les rediffs des Inconnus dont on rediffuse les mêmes sketchs depuis 20 ans. On est tous d'accord pour dire que Coluche, c'est un mec génial. Enfin, moi, il y a des trucs de Coluche que aujourd'hui, c'est pas drôle quoi. Enfin, c'est. Agresse, c'est compliqué quoi. Et pourtant, je veux bien être rentre dedans et faire des trucs, tu vois. Donc, il y a un côté faux cul, genre, il faudrait plus rien dire et plus choquer personne et plus tout ça. Et d'ailleurs, il y a eu un développement pendant toutes les années 2000 d'une sorte d'humour communautaire qui arrivait avec le stand-up, mais c'était très des mecs qui racontaient leur quotidien de gamins immigrés. Alors ça me va très bien, il y a aucun problème, mais sous le prisme de je suis pas que un gamin immigré, je suis un gamin immigré marocain, donc je fais des blagues pour les marocains, et un gamin algérien, donc je fais des blagues pour les algériens, et un gamin sénégalais, et donc je fais des blagues, mais moi je veux bien rire avec vous les gars, j'ai envie qu'on rigole tous ensemble en fait. Et il y a un espèce de prisme comme ça communautaire qui fait que en fait on se replie tous les uns peut-être sur les autres, et en fait on surtout les yogis se replient beaucoup sur eux-mêmes parce qu'ils sont plus souples. Tout à fait. Et du coup, ça fait un peu. C'est pas. Attention au soleil. C'est pas une attaque déguisée contre. J'ai... Si, moi, pas. Je pense que là, c'est un peu raciste. Ouais, c'est un peu raciste. Ouais, t'as raison. Bah, attaquez-moi dans les commentaires. C'est un peu moyen. Il y a peut-être ce côté, mais moi, pareil, je suis un homme blanc privilégié. Tu perds tes cheveux quand même, donc je veux dire, voilà. T'es pas si privilégié que ça, quoi. Bon, ouais, je suis pas privilégié de ce côté-là, c'est sûr. Mais je sais pas, moi, comment, si je fais partie d'une communauté quelconque, sénégalaise, algérienne ou quoi que ce soit, que toute ma vie, toute mon enfance, on m'a dit, hey, toi, t'es pas blanc, t'es pas pareil. Ah, ça, pour le coup, c'est machin. Du Captain Obvious, ça. Parce que je veux dire, enfin, tu vois, le mec qui est sénégalais, il est né au Sénégal, il arrive en France, mais oh, toi, t'es pas blanc. Bon, je veux dire, le gars, il n'y a pas besoin de lui dire. Enfin, c'était quand même pas la révélation de l'année, quoi. C'est quand même une attaque d'une bassesse assez. Vous m'avez bien compris. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que si toute ta vie, on t'a un peu mis de côté, ça peut aussi te faire plaisir quand derrière, on va te faire des vannes que tu peux comprendre parce que tu fais partie de cette communauté-là. Sans non plus. Enfin. N'être orienté que par rapport à ça et que par rapport à ta communauté. C'est juste, tiens, une fois de temps en temps, ah tiens, moi j'ai ces références que les autres n'ont pas. Et oui, moi aussi, dans mon. On m'a dit toute ma vie que j'étais moins qu'un blanc. J'ai pas à rougir. Il y a peut-être ce truc-là aussi, tu vois, qui moi je ne peux pas comprendre puisque je ne suis pas. Et tu vois, du coup, ça. Non, c'est pas comprendre, c'est pas savoir. Je peux le comprendre, mais je pour moi, c'est une facilité d'écriture. Je sais que je passe en force, Chris, mais je suis un salopard. Pour moi, c'est une facilité d'écriture. Je quitte trash. Parce que quand je vois un stand-upper qui me raconte des histoires de famille et il dit mon père il fait ça et du coup c'est rigolo parce qu'il te fait une imitation de son père et qu'il fait un truc ridicule, c'est drôle. J'ai pas besoin que tu me dises mon père il fait ça, vous savez, parce qu'il est. Et donc tu sors la communauté que tu veux, gros, chauve. Immigré, enfin ce que tu veux. Le sketch peut être drôle en lui-même. T'as pas besoin, au moment où tu vas faire ton truc drôle, de faire clin d'œil à la communauté, je vous mets dans ma poche parce que je parle de vous. Et c'est, pour moi, c'est, est-ce que ça n'est pas partie d'une facilité, d'une erreur d'écriture et tout quoi. Enfin, je sais pas. C'est peut-être vrai, après ça c'est autre chose pour le coup. Mais oui, peut-être. Savoir si c'est drôle ou pas. C'est autre chose, c'est propre à chacun. Moi, je vais te dire très sincèrement, je pense que ça ne me ferait pas rire non plus. Mais bon, après, si, ça, c'est pas... Je peux te raconter des anecdotes de mon père, qui seront des anecdotes rigolotes, et j'ai pas besoin de te dire « Bon, mon père, il fait ça, tu vas comprendre parce que c'est un blanc. » Et bah, du coup, il fait comme ça. Et du coup, je peux te raconter juste l'anecdote et elle te fera rire, quoi. Et voilà, t'as pas besoin de contextualiser avec une ethnie, une couleur de peau ou ce que tu veux, enfin... Du coup, j'ai une question très... qui est la question que je me pose, donc ce que je propose, c'est de vous la poser à vous. Voilà. ce truc est passé à la télé, c'était la rediff des épisodes de, enfin des sketchs qui est arrivé à la fin de Nulle part ailleurs de Decaune et Garcia. C'est un truc qui est passé à la télé il y a 15 jours. On s'est dit, oh, putain, on pourrait pas faire ça aujourd'hui et tout. Et vous avez dit, ouais, faudrait qu'on en parle absolument dans le podcast et tout. Qu'est-ce que vous voulez à quoi vous voulez aboutir? Parce qu'on lance le sujet, mais je vois pas du tout où on veut aller en fait avec là maintenant. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Valentin. Ça fait partie de l'autodérision. Parce que finalement, il n'y a plus que les noirs qui peuvent rire des noirs, les gros qui peuvent rire des gros, etc. Tu ris pas des gros. Ouais, non, mais tu vois, je connais des gens qui sont vraiment obèses, hein, enfin, en tout cas, médicalement, c'est comme ça qu'on les considère, et qui font des blagues horribles sur les gros et sur eux-mêmes. Forcément, ça fait rire tout le monde, mais avec un peu de gênance, parce qu'on se dit, ah, ça se fait pas de rire de ça, mais comme le mec le fait lui-même, bah ça passe beaucoup mieux. Et du coup, ça génère des situations compliquées parce que en fait, les gens vont accepter qu'on rit d'eux si c'est quelqu'un qui est comme eux, avec de gros guillemets, mais pas si c'est, enfin, tu vois, il faut calculer chaque blague en se disant, alors attends, est-ce que je fais partie de telle catégorie de personnes, est-ce que je peux faire cette blague, c'est très compliqué aussi, quoi. Normalement, si tu connais les gens, t'as pas à calculer puisque tu sais ce qu'ils sont prêts à entendre ou pas. Mais j'entends ce que tu dis et je... Oui, bien entendu. Après, là, je quitte le domaine personnel pour te dire, on parlait du cadre d'un... Putain, tu quittes trash et le domaine personnel. Oui, j'ai aussi quitté cette conversation à court instant. Merci Orange, big up pour ces mises à jour intempestives. Tu vois, si tu prends l'exemple d'un humoriste qui écrit un sketch, si le gars ne peut effectivement plus que parler de sa vie à lui, et puis après des trucs qu'il concerne à titre personnel, ça devient hyper restreint. T'es obligé de l'humour, ça passe aussi parfois. Ouais, peux regarder le spectacle d'Arnaud de sa mère qui dure 1h30. Il y a pas vraiment de blague oppressive dedans et c'est hilarant. Hein, donc tu peux aussi faire de l'humour sans ça. Tu n'es pas obligé de tu vois. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis dans le sens où moi ça me dérange pas. La majorité des vannes me choquent pas et je m'en fou en fait, mais après tu peux entendre aussi que ça puisse gêner certaines personnes. Ah oui, non, mais soyons très clairs que je ne valide pas du tout un spectacle qui serait entièrement basé sur des blagues racistes, des blagues sexistes et des blagues sur les gros et sur les... Enfin, tu vois, je ne valide pas du tout un mec qui aurait basé tout son spectacle là-dessus. Mais il y a forcément un moment où en fait où tu vas... Enfin, je sais pas, si tu fais un sketch où tu parles des vieux, tu vas dire, ah bah oui, il y a des vieux qui vont dire, ah, enfin bon, c'est... comment on appelle ça, je sais pas, vieux, c'est un nom en plus. C'est de l'agisme, c'est ça, ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire, ça ne s'arrête jamais. Du coup, si tu ne peux rire que des personnes qui sont vraiment... Alors moi, je peux rire que des mecs blancs de 30 ans. Alors, j'ai plein de blagues hein, sur les mecs blancs de 30 ans qui vivent avec leur chat, et tu vois, je peux te faire une heure dessus. Mais bon, c'est un peu aussi redondant, quoi. Donc, je pense qu'on doit aussi pouvoir rire d'autres gens. Et s'ils sont vexés, eh ben, tant pis pour eux. On va faire la fameuse phrase de Desproges hein, qui n'a pas encore été citée depuis qu'on a commencé ça, mais c'est on peut rire de tout et pas avec n'importe qui, sachant que ça a souvent été détourné de son véritable sens, c'est que tu peux rire tu peux faire des blagues racistes, mais pas avec un raciste. C'est exactement ce que tu dis, en fait. Je pense qu'en vrai, on est tous les quatre assez d'accord, donc on pourra en parler pendant des années. On est d'accord sur le fond. Après, sur la forme et sur les possibilités, je pense qu'on n'a pas tous le même degré d'acceptation. Moi, comme Matt, c'est vrai que j'aime bien les blagues parfois qui vont être un petit peu hardcore ou acides, dirons-nous. Mais c'est comme vous dites, ça dépend du fond en fait. Si ça sert à dénoncer quelque chose, moi ça me va très bien. Non, tu peux faire la pire vanne trash du monde, moi ça me fera toujours rire. En fait, le problème, après, c'est si que tu sens que derrière il y a un peu de vrai, c'est non, c'est niet. On parle sans exemple en fait aussi. On fait beaucoup de poncifs, quoi. Après je peux reparler de Dieudonné qui avait fait son. Il y a eu un petit basculement avec ça, c'était son sketch qu'il avait fait chez Fogiel, je sais plus le nom de l'émission, mais son sketch qu'il avait fait en faisant mais un. Je crois que l'émission israélien de Fogiel c'était On ne peut pas plaire à tout le monde, et du coup on ça portait pas plaire bien à tout le monde. Voilà, et donc il vient jouer un israélien et finit par faire le salut hitlérien, le salut nazi à la fin, et ça avait fait un gros scandale et tout ça, et ça peut dénoncer en fait c'est marrant parce que Ferrari a fait la même vanne Jérémy Ferrari a fait la même vanne dans son spectacle. C'est juste que bah, les deux mecs, tu les connais et tu vois qu'il y en a un qui est un peu plus limite que l'autre, quoi. Ferrari, ce qu'il dénonçait, c'était vraiment le système dictatorial de l'Israël. Et c'est dans son spectacle, c'est Vent de pièces à Beyrouth. Et ça n'a pas fait scandale du tout. Déjà, c'était sur scène, c'était pas dans une émission de télé. Et tu sais comment le mec fonctionne, tu sais comment il fait ses recherches pour faire son spectacle et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus évident et facile de rire et d'entendre ce que Ferrari a à dire que Dieudonné qui, derrière, multiplie les propos très, très limites, invite des négationnistes sur scène, etc., etc. Donc, effectivement, comme vous dites, ça dépend du fond de la personne qui va faire la vanne, quoi. Mais après, l'humour, c'est ce qui est le plus compliqué, hein. C'est plus facile de faire pleurer les gens, tu vois. Enfin, je veux dire, si tu veux faire pleurer les gens, tu sors des images d'enfants qui sont très malheureux, qui sont abandonnés par leurs parents, qui sont battus, voilà, et tout le monde va trouver ça triste. Personne va trouver ça drôle, normalement. Alors que Yanda a l'air de trouver ça drôle, mais bon, je veux pas le balancer. Mais alors que pour le coup, l'humour, qu'est-ce qui va faire rire les gens, c'est toujours hyper compliqué. Moi, il y a c'est le sketch des Guignols, ça. Pourquoi c'est drôle? Ouais, voilà. Non, mais il y a des gens. Ça peut être d'ailleurs hyper paradoxal au final, puisque par exemple Dieudonné, c'est pas nécessairement lié à ses idéologies. Moi, j'ai jamais rigolé, même avant, j'ai pas le souvenir que ce soit un mec qui m'ait fait rire, tu vois. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui ont sûrement des idées qui sont à l'opposé des siennes, qui ne me font pas rire non plus. Et puis il y a des gens avec qui je partage pas forcément grand chose qui vont me faire rire, voilà. Enfin, c'est super complexe, quoi. Donc tu veux dire comme Laurent Gérard? Non, Laurent Gérard, ça me fait pas rire spécialement non plus, ou malgré lui peut-être, le pauvre. Nicolas Canteloup alors? Non, c'est une catastrophe. Non, mais comment ça peut exister, ça? Je suis tombé accidentellement, je tiens à le dire, sur Nicolas Canteloup sur TF1. Ce il programme lui a fait mal, hein. Je peux te dire que quand il lui est tombé dessus, il lui a fait sacrément mal. C'est une catastrophe. Ce programme est financé par une chaîne de télévision. Il y a tellement de gens qui sont bien meilleurs sur Internet. Comment on peut payer un mec pour faire ça? C'est mal joué, c'est mal avec la meuf qui co-anime, là, qui sert de rien du tout à le relancer avec des. Elle sert juste à rappeler qui limite parce que c'est tellement mal fait. Alors, Patrick Bruel, bah, sinon on n'aurait jamais su que c'était lui qui limitait. Enfin, je veux dire, objectivement, bah, franchement, c'est une catastrophe. Enfin, bon, bref. Donc voilà, par exemple, non, mais ça, c'est pas drôle. Et pourtant, c'est pas offensant parce que c'est juste bête, ok? Il limite Patrick Bruel, il limite je sais pas qui. C'est bête et c'est, donc ça ne peut offenser personne, à part peut-être Patrick Bruel. Et c'est pas rigolo. Qui va dire, oh bah je crois pas, on m'a jamais aussi mal imité. Voilà, et c'est pas marrant. Donc c'est la preuve aussi que c'est pas. Enfin, il y a un moment, c'est vraiment la façon de faire qui fait que c'est drôle ou pas. Et là, voilà quoi, le mec, même s'il a pas de message de fond, même s'il y a rien, quoi, mais c'est tellement nul que tu peux pas rigoler, quoi. Qui rigole devant? Si vous rigolez, laissez un commentaire, hein, dites-nous. Non, mais je pense que c'est compliqué de trouver. Déjà de trouver une réponse à cette question, effectivement, de savoir si c'est bien ou pas bien qu'on ne puisse plus rien dire aujourd'hui, alors enfin, qu'on ne puisse plutôt à l'inverse, qu'on ne puisse plus tout dire aujourd'hui. C'est bien ou pas bien? Non, c'est pas compliqué de trouver une réponse. Moi, j'ai une réponse. Moi, je trouve que c'est pas bien qu'on puisse plus le faire. Je trouve ça pas bien qu'on puisse pas refaire les inconnus, qu'on puisse pas refaire les nuls, qu'on puisse pas refaire de Coné Garcia. Vraiment, je trouve ça pas bien. Je trouve ça pas bien qu'on doive se censurer et faire gaffe à chaque fois que tu vas prendre la parole. De toute façon, enfin, c'est là ce qu'on expérimente ce soir. Enfin, moi, je suis pas du tout homophobe ou. J'ai un ami noir et homosexuel. Alors laissez-moi vous dire que je ne suis ni homophobe ni raciste, monsieur. Il a même changé de sexe, ça, c'est pour vous dire. Du coup, il a pris celui de qui? Il a pris celui d'un ami. Du coup, on le voit, dès que tu commences à donner un exemple ou tout ça machin, il faut un peu border pour dire ouais, il faut pas que je force une communauté. Il faut un peu border pour dire ouais, il faut pas que ça pèse, que ça ressemble au propos d'un mec blanc hétéro. Encore une fois, enfin, parce qu'on sait que c'est des arguments qui vont être avancés. Tu le sais, si tu commences à parler de racisme, on va te dire t'es pas concerné, tais-toi, tu vois. C'est ce qui est pas faux d'ailleurs, hein, mais non. Si on avait des auditeurs. Oui, bah à cette heure-là, les gens sont partis, hein, depuis tout à l'heure, je te rassure, les mecs ont lâché. Je crois que les mecs sont partis à Metroid, comme Yanda d'ailleurs. Ils ont dit, hein, métro quoi? Je sais pas, en ce moment, le métro, il n'y a pas tout avec le confinement, là, c'est chiant. se met en boule, mais c'est n'importe quoi. Allez. Qu'est-ce que c'est que et encore une fois, ce que je trouve méga gênant, c'est le côté faux cul, quoi. C'est-à-dire qu'il faut lisser les choses aujourd'hui. En plus, on est dans une période où il faut que utiliser des trucs qui sont gentils, qui font bien, qui choquent personne, mais en même temps, tout le monde revendique d'exister, tu vois. Moi, je suis relativement, par exemple, pour la féminisation des noms et le fait que les auteurs femmes deviennent des autrices. À la rigueur, je suis pour, tu vois, il y a aucun problème. Et donc, parce que dans le débat ressort aussi que les choses qu'on nomme pas et les choses qu'on cite pas sont des choses qui n'existent plus. Et du coup, bah, montrer des caricatures de d'homophobes, de racistes, de ce genre de choses pour dénoncer le truc, ça peut aussi servir la cause. Il y en a, ça. Ça, il n'y a pas de souci. Ça t'en voit plein. Hein. Par contre, des caricatures d'homosexuels, t'en vois plus. Est-ce que c'est mal? Je suis pas sûr. Cette nuance est compliquée. Moi, je serais pour faire la moyenne entre tout ça. Je suis assez d'accord que on peut continuer à se moquer, à rire en tout cas de l'homosexualité, mais sous le prisme, effectivement, de se moquer des clichés homophobes et non pas de se moquer des clichés d'homosexuels. Et je pense que c'est très compliqué à faire et à faire comprendre, parce que les gens verront ce qu'ils voudront voir aussi, parce que il y a parfois, je pense, aujourd'hui les gens se sentent offensés très rapidement avant d'essayer de calculer si c'est volontairement offensant ou s'il y a un message derrière, tu vois. L'équilibre est dur à trouver. Voilà, hein, donc je pense que, en tout cas, ça serait une erreur effectivement de ne plus parler du tout de ça sous le prisme de l'humour, parce que ça, Matt, il a raison, quand tu parles plus d'un truc, c'est pas parce que tu parles pas d'un truc, c'est pour ça que moi je suis pas pour la censure globalement. Dans le sens où faut pas censurer un thème, hein, et pas censurer globalement, vous voyez ce que je veux dire, parce que si on dit juste on parle plus de, on fait plus de blagues sur l'homosexualité du tout, ça veut dire qu'il y a, voilà, il y a plus d'homophobie non plus, quoi, parce que tu peux pas te moquer d'un homophobe, par exemple, et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut pouvoir garder. Mais en même temps, si tu caricatures dans un film un personnage en le rendant homophobe, tu dis le personnage de ce film il est homophobe, il a des répliques homophobes, on va dire ah bah ton film il est homophobe, il y a un mec qui a des répliques homophobes. Et on va pas comprendre que le personnage sert à se moquer des homophobes, mais qui fait l'apologie de l'homophobie, tu vois. C'est... Parce que ça va dépendre si dans le film tu le mets en valeur ou non, ça dépend aussi beaucoup. Ah bah c'est ça, sûr que si c'est le héros et qu'à la fin il emballe, tu sais, genre l'héroïne et qu'il gagne au loto, tu dis oh là, c'est un peu poussé, hein. Mais... J'ai pas vu Nicky Larson et les films de Lachaud, mais apparemment, moi, de ce que j'entends dire à droite à gauche, c'est que en dehors de toute qualité comique du film, il y a un espèce de Roland homophobe qui ressort de ça. Voilà, après, encore une fois, là, je parle de quelque chose que je n'ai pas vu. Donc voilà, mais si un personnage homophobe ne paye pas d'une quelconque manière à un moment donné de l'histoire, force, et qu'il est mis en valeur, forcément, c'est là où ton équilibre ne tient plus et où tu passes de quelque chose qui dénonce un personnage homophobe à quelque chose qui encense un personnage homophobe et donc l'homophobie, en fait. Je ne suis pas incollable sur les films de Philippe Lachaud, mais j'ai vu Nicky Larson, que j'ai bien aimé. Il y a un débat d'ailleurs autour de ça. Les gens disaient « Ah, faire Nicky Larson en 2019 alors que c'est un gros lourd avec les femmes, c'est un mec sexiste. » Mais enfin, Nicky Larson, c'est un mec effectivement qui drague comme un gros lourd, mais du coup, il ne prend que des râteaux. Donc oui, c'est pas là, une mise en là, avant. Là, on parle pas de l'homophobie. Je suis d'accord, mais on parle pas de l'homophobie pour dans le coup. Dans Nicky mais... Larson, j'ai pas le souvenir d'un truc qui soit qualifié vraiment d'homophobe. Enfin, si, il y a 2-3 vannes où il doit dire qu'en gros, ouais, enfin, il aime pas les mecs, quoi, tu vois, je sais plus. Mais encore une fois, là, pour le coup, effectivement, on est dans un film, c'est un personnage qui est un gros lourd. Et c'est pas un comportement exemplaire. C'est comme, là je vais parler de Conan, parce que c'est un bon exemple aussi. On va dire, ah bah Conan, la BD ou les bouquins de Howard, Conan c'est le gros barbare musclé, suintant, qui traîne les femmes par les cheveux. Mais en fait Conan c'est pas un exemple à suivre. Tu vois ce que je veux dire ? Conan c'est aussi une critique justement, enfin on va pas parler de Conan pendant 2 heures, parce que ce podcast doit avoir une fin, mais Robert E. Howard c'est un mec qui faisait une critique de la société à travers Conan, et donc Conan c'est sa vision du monde qui est en fait assez pessimiste, tout comme Lovecraft d'ailleurs à la même époque. Faut pas oublier que c'est des mecs qui écrivaient en pleine crise financière de fin des années 20, début des années 30 aux États-Unis, et qui avaient une vision très très très pessimiste, au point de se suicider pour Robert E. Howard, donc si ça doit le confirmer, et donc qui critiquait le monde. Et son héros c'est pas un personnage qui doit servir d'exemple et qui est positif, c'est une critique de la société et du comportement des hommes au sens large. C'est pas un mec qui est censé te servir d'exemple. Donc Nicky Larson, dans une moindre mesure par rapport à Conan, c'est plutôt un loser, et on se dit bah putain quel gros lourd, il a vraiment des idées de merde. On se dit pas super, dis donc je vais suivre l'exemple de Nicky Larson. Donc il est pas montré sous un jour extrêmement positif. C'est sûrement le personnage principal de l'histoire, mais je pense pas que ça soit un modèle à suivre. Voilà. Alors que les femmes dans l'univers de Nicky Larson sont plutôt des femmes assez fortes et indépendantes qui justement vont pas hésiter à le rembarrer et l'envoyer chier et qui vont sortir un flingue pour se défendre. Enfin, tu vois, c'est pas des demoiselles en détresse pure et dure. Donc, mais peut-être que du coup les gens captent pas cette aspect là en premier, mais si tu regardes un petit peu, moi je le vois comme ça en tout cas. Après, peut-être que ma vision est mauvaise, hein, mais moi je le vois pas comme un exemple à suivre. Non, mais il y a pas de souci. Mais comme tu dis, à partir du moment où tu pousses la réflexion et que tu cherches à savoir qui est derrière les propos, bah tout de suite, tu parlais de l'auteur de Conan, bah oui, à partir du moment où tu sais tout ça, effectivement, tu peux mieux analyser son comportement et ses personnages, et voilà quoi. Donc, effectivement, l'éducation, hein, c'est ce qui va tous nous sauver. Mais tu vois, tu dis quelqu'un qui se comporte mal, Val, doit être puni, en fait. Tu dis, il faut que ton personnage homophobe paye à un moment. Si je reprends un film dont on a beaucoup parlé ensemble, un certain Batman contre Superman, on a quand même un Batman qui torture des gens, littéralement, qui les marque au fer rouge et tout. Tu vois, il y a cet aspect-là pour qu'après il se fasse défoncer en prison. Et pourtant, c'est le héros et il paye pas du tout. Donc, t'es pas non plus dans des notions où forcément le héros doit avoir un comportement exemplaire, sinon il se fait péter. Tu peux avoir des héros qui sont border aussi, quoi. À la fin du film, il se rend compte qu'il a fait une connerie quand même. Il se rend compte qu'il a fait plein de conneries. Après, je vais pas non plus. C'est pas parce que j'adore BVS ou que j'adore un film ou quelque chose que j'approuve tout ce qui est dit ou j'adore 24. Par contre, je déteste sa politique, tu vois. Ouais. Enfin, je ne suis pas pur et exemplaire en tout point. C'est-à-dire, j'aime des choses aussi qui sont, moralement irréprochables. Enfin, je vais pas non plus dire que j'aime des choses trash. Je sais pas, j'aime aller violer des petites filles dans les caves pour rester dans le thème. Mais il y a des choses. Je crois qu'on a changé de thème. C'est pas du tout un thème sur lequel on s'est mis d'accord. Il y a des choses que j'aime bien et qui pourtant politiquement ou idéologiquement je ne suis pas d'accord avec. Mais il y a suffisamment de trucs qui m'attirent dans cette œuvre pour que je fasse abstraction du reste. Et voilà. Je suis pas un être de pure logique non plus, quoi. Comme tout le monde. Bah ça me déçoit. Je pensais que si. Bon, je propose de conclure avec une question un peu plus légère, cet échange. Et on n'y passe pas trois plombs, mais c'est juste histoire qu'on règle un truc une fois pour toutes. dans quel sens on doit mettre le rouleau de papier toilette? Parce qu'il y a des gens qui disent que d'abord tu mets le rouleau, ensuite la feuille, donc que la feuille est près du mur. Et d'autres gens qui disent que tu mets la feuille loin du mur. Donc tu mets d'abord la feuille qui pend derrière le rouleau et ensuite le mur, en fait. Et que les deux trucs ne doivent pas être collés l'un à l'autre. Je vais être très clair et que ce soit dit et bien dit. Ah mais je veux pas ton avis, je veux savoir ce qu'il faut faire. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Merci. Les gens gueulent pour mettre... comme quoi il ne faut pas mettre la feuille entre le mur et le rouleau, mais pourtant c'est la meilleure solution pour voir quelle quantité de rouleau il te reste. Point, puisque ma phrase avait été sauf que donc toi tu vois l'intérieur du rouleau quand ça se déroule, quoi. Exactement, parce que si tu mets la feuille devant, tu vois moins facilement combien de quantité de rouleau il te reste, donc c'est la feuille derrière, sauf que entre le mur et le rouleau. Vous renvoie très cher collaborateur, confrère et ami. Au fact-checking, et il s'avère que j'ai vu il y a quelque temps ce débat resurgir sur cette formidable plateforme qui est Twitter, et il s'avère qu'il a été extirpé d'archives des notices alors je sais pas si c'était de pas de rouleau de PQ, mais du coup mais de Jean-François de porte, PQ, l'inventeur, je sais pas, PQ. Ouais, de porte PQ, je sais même pas comment ça s'appelle, et la notice explicite que le positionnement du rouleau, c'est la feuille en avant. Mais pourquoi? Alors, parce que dans la conception de ces fameuses de ces fameux dérouleurs, il y a normalement sur la face avant quelque chose qui est censé t'aider à déchirer le papier toilette. Voilà. Donc effectivement, la feuille est censée être tournée vers cette aide à la séparation. Veuillez cesser vos hérésies. Bah, à partir du moment où t'as pas de capot, tu vois, parce que moi j'ai oui, pas de capot sur mon dérouleur par exemple. Donc, ah oui, mais si vous avez des dérouleurs de pauvres, ça c'est pas notre problème. Je veux dire aussi, bah, écoute, hein, c'est un dérouleur qui a été posé là par l'ancien propriétaire et je te cache pas que parmi les travaux que j'ai fait, le premier truc que j'ai changé dans la maison, ce n'était pas le dérouleur de la toilette. C'est vrai, je m'en rends compte, je n'ai même pas de dérouleur moi, donc c'est pour vous dire. Je suis en train de regarder un tuto du coup sur le site de Castorama, j'apprends plein de choses. Ah ouais, le mec il met un scotch, un bout de scotch sur la mèche de la perceuse pour savoir s'il perce pas trop loin quoi. C'est intéressant. Hein. Ah ouais, c'est très malin. Bah ouais. C'est très malin. Je saurais le faire. Et du coup, bon, bah, il y a une réponse maintenant effective, mais si on n'a pas envie de le faire, qu'est-ce qu'on risque? Est-ce qu'il y a un accident industriel peut arriver? Qu'est-ce que une amende, quelque chose? Qu'est-ce qui se passe en fait si on Eh bien, tu restes un pauvre mortel. Voilà, arrivé à un moment, c'est ça. Et puis, mais j'ai une théorie. J'ai une théorie, c'est que les gens qui mettent du coup le papier entre le mur et le rouleau sont des gens qui emploient le terme pain au chocolat pour désigner les chocolatines. Alors et ça, monsieur, c'est discriminant. Voilà, ça c'est une discrimination, voilà. Ça. Très bien. À un moment, avec la meilleure des volontés, je pense qu'il faut établir un fait. On ne pourra pas sauver tout le monde. Donc, arrive un moment, soyons. Est-ce que soyons tu penses que quand Thanos a claqué des doigts, il a éliminé les gens qui mettaient le papier dans un certain sens? Et pain au chocolat. Il a éliminé les gens qui disaient pain au chocolat et les gens qui mettaient le rouleau de PQ à l'envers. Donc, c'est une évidence. Non, mais du coup, ouais. Et alors, du coup, si on met le rouleau de papier, parce que là, bon, moi, je l'ai mis à l'envers. Franchement, j'ai la flemme du coup, de retourner. Je vais attendre la fin du rouleau pour le changer, tu vois, parce que ça fait beaucoup d'action. Est-ce que je peux quand même utiliser la feuille dans le sens où elle vient, ou je dois la retourner avant de m'en servir? Tu veux dire, est-ce que tu utilises la face lisse ou la face très légèrement gaufrée en surimpression du motif? Toi qui as une sorte de passion pour le papier abrasif. Il y en a, lui, de toute façon, il a pas de dérouleur, il y a une boîte de filtre à café, ça fait très bien l'affaire. Moi, s'il n'y a pas de couture, arrive un moment, c'est du pareil au même. Donc, Alors, il y a une. Je vais essayer de fact-checker en direct. Oui, il y a une vidéo de la chaîne Syllabus, S-C-I-L-A-B-U-S, qui s'intitule À quoi servent les motifs du papier toilette? Et donc, tu pourrais avoir la réponse à ta question dans cette blanc, vidéo, qui est fort intéressante. Il est blanc. Qui mon il papier toilette. D'accord. Parce que pour le coup, c'est une meuf qui tient la chaîne, donc c'est pour ça. On a frôlé le racisme et le sexisme en une seule phrase. C'est quand même, c'était chaud. Et tu vois, encore une fois, c'est un souci d'interprétation. C'est pas du tout ce que j'ai dit, mais ça a failli être mal compris. C'est vrai. La boucle est bouclée, messieurs. Je pense qu'on a passé assez de temps à raconter n'importe quoi ce soir, puisqu'on doit frôler les 2h30 de podcast pour oui, ce sujet. Je voudrais quand même rappeler qu'avant l'enregistrement, Matt nous a dit « Oh, j'ai pas beaucoup de thèmes intéressants, ça va aller vite, c'est devenu l'épisode le plus long. Hein, » Ah, je te confirme que... Bah, par contre, les thèmes n'étaient pas intéressants. Non, c'était vraiment nul. Donc, 24, c'est très intéressant. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà oublié qu'on avait parlé de ça. Moi j'ai oublié de quoi on avait parlé parce que j'efface les thèmes au fur et à mesure, c'est un scandale. Mais non, du coup je veux relancer mon appel. Ce serait bien qu'on ait une page Wikipédia quand même. Vous vous occupez de ça, hein, les petits loulous? La page Wikipédia de l'émission, ça fait toujours quelqu'un plaisir. Quelqu'un puisse ensuite la recopier et faire une vidéo sur nous. Bah oui. Et surtout que maintenant vous avez les données de nos âges, de nos cartes vitales et tout ça, donc ce sera encore plus facile pour la remplir. Bisous. Ouais. À très bientôt. Merci. Suivez-nous sur vos podcasts de plateforme préférées ou l'inverse. Et activez la cloche, mettez les 5 étoiles, vos commentaires, tout ça. Merci d'avoir suivi une nouvelle fois ce podcast extrêmement éreintant. J'ai un mal de crâne de dingo et je suis fatigué. Du coup, je vais disparaître. Gros bisous. Merci et à très bientôt. Et oui. Salut.